Il est à peine 17h à Montréal en direct de la brasserie Helm sur la rue Bernard. J'ai le bonheur ce soir d'être entouré du très beau Fred Savard. Bonsoir. Du très charmant Olivier Niquette. Salut. Du très malicieux Jean-Sébastien Girard. Allô. Et de notre invitée d'honneur, la fabuleuse Louise Latraverse. Ben, dites bonjour. Bonjour, chérie. Bonjour. Et de notre fabuleux public qui trouve que la soirée est encore... Ah, bonsoir tout le monde, bonsoir les gens à la maison, les gens au Helm, vous êtes encore très nombreux à venir nous voir ce soir, c'est extraordinaire. Hein? Oui. Vous savez que ce sont des membres de l'équipe. Hein? Oui. Ils font avec nous une émission de radio extraordinaire. Je vous demanderais bien qu'est-ce que vous avez fait cette semaine à tout le monde dans la salle, mais ça se pourrait qu'on en ait jusqu'à demain. Oui. Hein? Alors, ben écoutez, on a une très belle soirée ce soir. On est accompagné pendant toute l'émission de notre personnage préféré, Louise Latraverse. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes content? En forme? Ben, tu penses que je suis en forme, bon. C'était... Parlez-moi de ça. Est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un ici autour de la table qui vous connaît depuis très, très longtemps. Est-ce que je l'ai gardé quand il était jeune? Ben, ah non, il n'est pas si vieux que ça. Mais je suis désolé. Il commence bien. Mais c'est Jean-Sébastien Girard, en fait. Racontez cette petite anecdote. Ouais, je ne sais pas si l'histoire est intéressante pour le grand public, mais c'est une histoire qui m'émeut. Ça commence bien. C'est une histoire qui m'émeut beaucoup. Quand j'étais petit, à tous les ans, ma mère venait me déposer à Télémétropole, hein, parce qu'il y avait la campagne de don de sang de la Croix-Rouge, et c'était une occasion pour aller rencontrer des vedettes. Mm-hmm. Donc, moi, je voulais rencontrer des vedettes. J'étais fasciné par l'univers de la radio, de la télévision. Pardon? Vous aviez quel âge? Oh, 7, 8 ans, 8 ans, 9 ans, dans ces eaux-là. Donc, ma mère me déposait là, et toute la journée, j'allais voir les vedettes de TVA, on me donnait des beignes, et j'avais un petit calepin d'autographe. Et, Madame Latraverse, vous êtes la première qui m'avait donné cet autographe-là, mais attendez. C'est beau, hein, quand même. Oui, et là, vous me trouviez, bon, mignon, j'étais tout petit, vous me parliez. Loulou! C'est pas vraiment et vrai. Et là, il y a eu quelque chose de très cute. Vous m'avez dit, ah, t'es fasciné par l'univers de la télévision. Alors, vous m'avez invité sur le plateau de votre émission. Vous animiez à ce moment-là un été de bonne humeur, qui était une espèce de mouture estivale de bonne humeur avec Jacques Auger et Michel Louvain. Ouais. Vous animiez ça avec André Cartier. Hein? André Cartier. Qui est tranquillement pas vite, mais elle me se vide. André Cartier, qui était votre, co-animateur. On a deux heures, hein, Madame Latraverse, vous le savez. Qui faisait André dans Passe-partout. Oui. Et vous aviez une espèce de fausse piscine, c'est ça, une espèce de fausse piscine. Et c'était Mitsou qui venait chanter son tube Bye Bye Mon Cowboy. C'était pas Belgazou? Je m'en souviens. Non, je pense que j'ai repensé. Je pense que c'est Mitsou. Ah, vous m'avez raconté. J'étais venu à l'émission? Absolument, mais comme public. Donc j'étais assis à côté de la piscine pendant l'heure et demie de l'émission et j'étais fasciné par cet univers-là. C'est vrai que c'est pas une super anecdote. Non, mais c'est plein de tendresse. C'est touchant. Oui. J'ai été fine avec toi jusqu'à la fin. Vous étiez adorable. Bon, Encore aujourd'hui, vous l'êtes. Hein? Oui. Vous savez, Louise, en tant qu'invitée d'honneur, vous avez les mêmes droits que tout le monde autour de la table, c'est-à-dire que vous avez le droit d'intervenir à tout moment, de donner votre opinion n'importe quand, de poser des questions aux invités et surtout d'insulter les membres de l'équipe au besoin. Par au besoin. Exemple. Ben, moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment Sauf pas de problème. Que ton cheveu est un petit peu gras aujourd'hui. Pourquoi t'as pas lavé tes cheveux? Tu savais que je venais. Mes cheveux sont un petit peu humides parce que je viens de les laver. Non, c'est pas humide, ça, Louise... c'est gras, ça. Je connais le cheveu gras. Louise, touche mes cheveux. C'est mouillé, hein? Non. Ah, un petit peu. Bon, merci. Mais c'est gras quand même. Bon, parlant de cheveux gras, on reçoit Dany Saint-Pierre ce soir pour nous parler de bon manger. Oui, il va venir dans quelques minutes. Parlant de ça, vous nous préparez quoi comme petit manger ce soir, Jean-Sébastien? Je vous fais retirer de la ballonnée, Jean-Philippe. Non, bah, arrêtez donc. Moi, je mange pas de ballonnée. Je viens trop chic. On a annoncé cette semaine, Jean-Philippe, que sur Twitter, qu'on allait manger ça. Je te l'ai dit que j'en mangeais pas du ballonnée. Et vous avez répondu « No ballonnée for me, honey ». Oui, c'est ça. Ah, bon Dieu, vous pétez plus haut que le trou. Non. Je pète pas plus haut. Moi, j'ai jamais mangé ça, du ballonnée. Arrêtez donc. Tu mangeais ça, du ballonnée, quand tu étais petit? Du steak de pauvre, j'en ai mangé certains. Ouais. Avec de la patate fricassée que ma grand-mère me faisait. Vous êtes née où, Louise? Moi, je suis née à Arvida, dans la plus belle ville. On est à 15 km de distance. À 15 km, mais chez nous, ma mère, ma mère prenait soin de notre santé. Elle nous donnait... C'est une meilleure mère que ta mère, c'est sûr. J'espère qu'elle nous écoute. Ben oui. Elle nous donne... Je suis à ma mère, d'ailleurs. Allô, maman? Allô, sa maman? Oh, mon Dieu! Excusez-moi, je le sais, mais en tout cas, je suis allée au lac en muraille. J'étais en face de votre frère ou l'oncle à Philippe. J'ai vu ça cet été. En tout cas, on va faire ce cours. Mais du bologna, on mangeait pas ça parce que ma mère a dit que c'était du poison. Elle nous donnait du bon jambon tranché, là, avec des patates. And fuck the bologna. Alors, les enfants à la maison qui nous écoutent, vous nous enverrez des lettres pour savoir qu'est-ce que c'est que le mot fuck. Alors, je vais faire le tour de table. Qu'est-ce que vous avez fait d'intéressant cette semaine? Mais je fais rien. Je m'en souviens pas. Ben non, je sais bien que vous en souvenez plus. Je fais du ménage. Je suis allée au théâtre. Je suis très, très théâtre, moi. Ah oui, c'est vrai? Oui, oui. Est-ce que vous avez un problème avec vos yeux, avec vos lunettes de soleil? Je peux les enlever, cette démarche? Non, non, s'il vous plaît. Moi, j'aime ça. Un peu glamour dans cette émission-là, ça va faire du bien. Oui, vraiment. D'abord, pourquoi vous m'avez donné des grosses... Des écouteurs, des écouteurs. Avez-vous remarqué que ces garçons, ces beaux garçons, ont de jolis petits écouteurs blancs? Mais moi, c'est notre matériel personnel. La femme la plus féminine ici, avec ces gars-là, j'ai des gros écouteurs, tu sais, anciens. Ça, c'est plus vieux que moi, ces écouteurs-là. C'est pas si vieux que ça, ces écouteurs-là, quand même, là. Non. Pas exagérer non plus. Tu veux t'échanger avec moi? Oui, OK, d'accord. La face vient de tomber. Non, mais je vais faire ça tantôt. Là. En attendant, je veux juste voir qu'est-ce que vous avez fait cette semaine. Je sais que je vais passer rapidement. Fred, moi, comme Louise, petite semaine. Ben non, mais j'ai écrit 4 heures de radio, en fait, cette semaine. Non, mais je n'ai pas fait grand-chose. Ah non? Non, c'est ça. En fait, c'est parce qu'on va manquer de temps, puis je sais que Jean-Sébastien a tellement de choses à dire. Ouais, c'est ça. Non, ben moi, je n'ai pas grand-chose à dire, honnêtement. Oh, vous vouliez passer la parole à Olivier? Ça serait le fun. Olivier! On va s'en débarrasser. Non, mais moi, j'ai rien fait non plus. Ça sera fait. Non, mais je vais le dire. C'est parce que j'osais pas le dire. Mais qu'est-ce que ça fait? Le monde va mal. Et là, le Canadien recommence la saison de hockey. Et là, je sais pas si c'est parce que j'ai arrêté de fumer et je suis en pause éthylique d'alcool. Ouais. Je trouve ça tellement insignifiant, le hockey. Et là, je juge les gens qui aiment le hockey. Mais je suis en rupture avec le hockey. Allez soigner des gens en Afrique. Le sport professionnel, c'est la grande. Vous savez que c'est le grand mal du siècle, le sport professionnel, puis être connu. Là, je suis en rupture de tout ça cette semaine. J'ai pas passé une bonne semaine. Je voulais dire que j'ai écrit dans la presse quand même. Je dis pas rien, là. Ah, la presse, non, rien. Je faisais rien, toi. Qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Mais non, mais tout le monde écrit dans la presse. C'est même plus une nouveauté. T'es jaloux. Olivier, vous avez fait quoi, vous, cette semaine? Moi, j'ai rafraîchi la page du site de Fido pour voir j'étais rendu où dans le fil pour avoir un nouveau iPhone toute la semaine, comme un épais. Ça fait pitié quand même. Jean-Sébastien, vous avez fait quoi, vous? Ouais, ben pas grand-chose, moi non plus. J'ai commencé le Prozac. Parce que c'est l'automne, Jean-Philippe qui est de retour. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Et moi, oui. Mais non, mais. Allez-y. Non, moi, je ne sais pas si vous allez moi, nous interrompre comme ça, Je prends de la lumière parce que. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que vous allez nous interrompre comme ça toute l'émission? Non, mais là, je suis bien obligée de participer parce qu'il me paye plus cher que vous autres. Oui, j'en doute pas. C'est pas bien dur à battre. Non. OK, allez-y, Jean-Sébastien, rapidement. Bon, ben c'est ça. Donc, effectivement, je déteste l'automne, Jean-Philippe. Ah. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que tout à l'automne est à la calvasse de saveurs de citrouille épicée, Jean-Philippe. Je pense vraiment qu'il faut abattre de sang-froid tous ceux qui attendent fébrilement le retour du latte à la citrouille épicée au Starbucks. Pour vrai, il n'y a rien de plus vulgaire dans le monde, Jean-Philippe. Parce que rien que je trouve plus niaiseux que le concept d'aller aux couleurs. Aller aux couleurs. Trouvez-vous une vie, pour vrai. Effectivement, faites du bénévolat. Regardez les arbres devant chez vous, mais aller aux couleurs, Jean-Philippe, c'est pas une activité. Parce qu'aller aux pommes, c'est niaiseux. Tu rapportes 75 pommes à la maison, t'en manges 3, puis t'es pogné pour faire des recettes plates avec le reste. Je veux dire, dans la vie, il y a personne qui capote pour vrai sur la compote de pommes. Parce que les maudits lutins de Noël, ceux qui vont jouer des tours à vos petites puces en décembre, sont déjà dans les magasins. Parce que je veux pas voir les maudites photos de vos mijotés inspirées de Danny Saint-Pierre sur Pinterest, hashtag miam, hashtag menoum. Mais surtout, Jean-Philippe, parce que l'Halloween. Parce que ça me tente pas de devoir rouler moins vite dans les rues le 31 octobre pour pas écraser vos petites sorcières et vos petits vampires. Parce que ça me tente pas de mettre mon précieux argent dans ta maudite cacane de l'UNICEF. Et surtout, Jean-Philippe, parce qu'il y a rien au monde que je méprise plus que les parties d'adultes qui se costument. T'as 40 ans, tu t'achètes un costume de princesse, t'es pas cool, t'as une maladie mentale. Bon automne à tout le monde. Oh. Merci Jean-Sébastien. Ah, y a personne qui applaudit, j'ai remarqué. Hein? Ça me dérange même pas. Les gens ont du coup. C'est pour les gens à la maison que je travaille, pas pour eux. Olivier Niquette, l'Internet, donnez-nous les adresses. Là. Oui, toutes les informations pour assister à l'émission en direct du Helm au 273 Bernard West à Montréal sont sur notre site radio-canada.ca/la-soirée. On est aussi sur twitter.com/la-soirée, facebook.com/la-soirée est encore jeune. Et vous pouvez nous écrire à lasoirée@radio-canada.ca pour, entre autres, répondre à la question du jour qui est: Philippe Couillard s'est dit ouvert à un partenariat financier dans une équipe de la Ligue nationale de hockey, si c'est payant. Dans quoi le gouvernement pourrait-il aussi investir pour faire une passe de cash? Ah, la bonne question. N'est-ce pas? Et est-ce qu'on poursuit le Téléthon de Jean-Sébastien Girard de la semaine dernière? Oui. Jean-Sébastien Girard a ouvert un Téléthon, en fait, durant l'émission et tout le week-end pour récolter plus d'abonnés Twitter. Parce que je suis celui de l'équipe qui en a le moins. Absolument. Le moins de personnes qui me suivent. Alors, j'invite les gens à me suivre et j'invite la 4000e personne... On dit 4 millièmes, Jean-Sébastien. Alors, cette personne-là, je l'inviterai à souper. Ah. Et peu importe c'est laquelle, là. Peu importe. Les gens se bousculent pas pour aller souper avec vous, je pense, Jean-Sébastien. Non, mais il y a des témoignages cute, il y a des gens qui me disent « Ah, je vais me désabonner pour être le 4000e, etc. etc. » Alors, vous avez juste à le faire. C'est J.S. Girard. C'est quoi, Olivier? J.S. Girard. Voilà. Mais merci beaucoup. Et en attendant, on va aller rejoindre notre salle de nouvelles portative. À Frédéric Savard, le Pierre Nadeau de sa génération. À chaque semaine, j'essaie de trouver un nouveau nom. C'est quand même. Pierre Nadeau. J'ai hâte à Noël. La nouvelle... Oui. Vous êtes très, très vite sur le piton. Hein? Ah ouais, mais je suis outré. La nouvelle de la semaine, évidemment, c'est la Cour supérieure du Québec qui a exigé l'arrêt des travaux de forage au large de Kakuna. Oui, la décision a mis le ministre de l'Environnement, David Hurtel, dans l'eau chaude, puisque la juge estime que la décision de forer n'était pas raisonnable. Mais le ministre a démontré, puis là, il faut le souligner, beaucoup de courage en mettant la faute sur une jeune biologiste sans sécurité d'emploi. Un grand homme. Wow. Bravo. Ouais. Parlant de grand homme, il y a le ministre Barrette qui a dévoilé les plans de sa réforme du système de santé. Oui, oui, abolition des agences de santé régionale, abolition de 1300 postes de cadres. Heureusement, le ministre a répété sans rire que les services aux patients ne seront pas touchés. Puis ça, je pense qu'il faut le dire. Hein. Ils ne seront pas touchés puisque la deuxième étape de la réforme sera d'abolir les patients. Tout est dans tout. Hein. Les premières cohortes de la réforme scolaire qui a été instaurée en 2000 sont plus faibles en mathématiques. On oui, a appris ça. Oui, selon une étude parue dans la revue Economic of Education Review, je suis abonné d'ailleurs. Moi aussi. Les trois premiers mois sont gratuits. Oui. Les mots croisés sont difficiles. Oui. Des chercheurs ont mesuré une baisse de compétences transversales en mathématiques chez les élèves de la réforme. Ils demeurent quand même, ça faut le dire, nettement meilleurs que les actuaires qui ont calculé les régimes de retraite dans les années 70. Faut le noter. Oui. La Sûreté du Québec ne dénote pas de fébrilité chez les radicaux du Québec. Oui, avec les menaces du groupe armé État islamique, les policiers sont sur le qui-vive, mais selon eux, il n'y a pas d'agitation. Il faut dire que les policiers ont d'excellentes sources, puisque la plupart des radicaux œuvrent au sein des services policiers. Je suis outré. Vous n'allez pas vous faire aimer des policiers, ah, vous, c'est hein? pas grave. Il y a Jeff Molson qui a avoué que l'organisation du Canadien de Montréal s'était un peu détournée de sa base d'amateurs. Oui, alors qu'il s'adressait cette semaine devant des gens d'affaires, il a promis de réagir dès cette saison et entend réaliser, et je cite, « un virage à 360 degrés ». Alors les fans peuvent donc s'attendre à de la bière flat à 11$ et des hot dogs froids à 8$, comme l'an dernier. Un vent très cher. Oui. Et en terminant, une bonne nouvelle, le monde ne va pas si mal, selon la presse. Non, encore une fois, un vent de fraîcheur. Le monde va bien, c'est ce qu'on doit déduire quand un journal met sur sa une du samedi un article qui nous parle du débranchement de Facebook d'un de ses chroniqueurs vedettes. Je pense que ça va bien. Hein? Ça fait changement du jogging. Ah oui. Eh bien Fred, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Oui. La météo. Là, je pense, Frédéric, qu'on peut arrêter de chialer contre les réchauffements climatiques. Oui, ben j'allais dire, effectivement, on sait que quand il fait froid, quand il est supposé faire chaud, t'as toujours des gens, les climato-sceptiques, qui disent « Ah, le réchauffement climatique, Alors là, ça s'annule parce qu'il est supposé faire froid et il fait chaud. Alors, il fait présentement 25 degrés à Montréal, wow! 27 à Ottawa et 1 degré à Iqaluit. Alors, j'invite les gens d'Iqaluit de travailler un petit peu plus fort pour faire monter la température. Je sais pas ce qu'ils font. Et à Whitehorse, il fait 9 degrés, il pleut et il fait soleil en même temps. Alors, c'est assez spécial. Et à Prince-Georges, 13 degrés. Et encore une fois, j'ai une carte incomplète. Il fait quelque part au Canada 21 degrés. Alors, écrivez-nous pour nous dire ah la ville. Ah, mon Dieu! C'est drôle. Il fait 21 chez vous. J'ai l'impression qu'à Arvida, il doit faire 21. Ah, Est-ce que ça se pourrait, Louis? Ah, ça se peut, oui. En fait, je fais 21. C'est là? Et évidemment, on invite les gens à nous écrire pour la circulation, hein, de nous informer dans leur coin de pays. Pas trop de trafic à Arvida, pas trop non, de trafic. Non, ça, c'est clair. Au rond-point, peut-être. Vous savez qu'il y a un seul rond-point au Saguenay. Ah oui? C'était à Arvida, je pense. Okay. Et quand on suit nos cours de conduite, quand on doit se pratiquer dans un rond-point, on va tous au même endroit. C'est le rond-point d'Arvida. Ah, puis il y a le Dairy Queen juste à côté? Je suis pas sûr qu'il y a un Dairy Queen, ça parle pas anglais là-bas. Arvida, c'est pas écrit... Attention! Oui. Olivier veut parler. Oh mon, oh mon Dieu, vous faites bien de lui faire mais la place. Arvida, c'est pas la ville où que du ciel on peut lire. Arvida, de, les rues écrivent Arvida. C'est peut-être le rond-point, c'est peut-être le I. Je suis pas allé en avion, là. Non? Non. Je pense que tu as j'ai vu ça. Non, mais. Répète-moi ça. Oh boy. Arvida, vue du ciel, on peut lire Arvida. Madame Latraverse, on n'a pas le temps pour ces affaires-là. Là, là, là vraiment, il faut, faut inviter notre c'était la fois d'émission où Olivier parle. Madame Latraverse a beaucoup de difficultés avec ses écouteurs. On la réinvitera plus, puis c'est tout. Hein. Fred, notre premier invité. Ah oh, oui. Chef propriétaire d'un restaurant réputé à Cherbourg, il est aussi dans notre télé tous les soirs à 17h. Accueillons l'auguste Danny Saint-Pierre! Danny Saint-Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Là, on se fera pas de cachette, là. Je le connais, Danny, c'est mon beau-frère. Ben, je le sais. Ben, c'est ouais, ça. Mais merci, tu as été très gentil de m'inviter, d'ailleurs. Oui, non, ben en fait, c'est ma sœur qui m'a forcé. Oui, j'imagine. Danny, on vous a reçu l'année passée. Vous étiez à l'époque copropriétaire de deux restaurants. Votre émission est en ondes du lundi au vendredi. Vous aviez une chronique à la radio et vous veniez de sortir un livre. Là, on est un an plus tard, donc vous êtes propriétaire d'un seul resto où vous ne cuisinez même plus. Mm-hmm. Vous n'avez pas de nouveau livre. Votre chronique à radio a été annulée et votre émission est passée de 5 jours à 4 jours. Oui, mais je vous ai fait une surprise. Ah, ouais. Oui, c'est laquelle? Ben, je vous la garde pour plus tard. On va voir si vous êtes gentil. OK, parfait. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette chute-là, Danny? Soyez honnête. Ben, écoutez, je pense que j'ai manqué de focus. Je me suis mis à vous fréquenter. Je suis devenu un peu nonchalant. Ah, c'est ça que c'est passé, hein? Ouais. Mais on s'ennuie de votre chronique radio. On sent bien, par exemple, hein, avec le calme et tout ça. Là. Ben, c'est ça. Hein, le calme là, fait faire beaucoup de choses. Par exemple, nous, ce qu'on a fait dans le trou, hein, plus de chronique bouffe à la radio, il y a Jean-Sébastien qui a pris la relève de votre chronique culinaire radiophonique. C'est un prospect très intéressant. Je sais. Je trouve qu'il y a beaucoup de flegme. Mais il y a un beau, c'est un beau créneau. Je pense que Jean-Sébastien le remplit complètement. On revient au vrai manger. La cardamone le matin à l'émission, ça n'avait pas rapport. Non, non, c'est clair. Mais c'est bon pour la digestion et hein, ça relève bien aussi. Ouais. Est-ce que vous trouvez qu'il fait bien ça? Ben, dans son style, oui. C'est rapide. C'est l'objectif. C'est un peu sec. Hein? Est-ce que vous avez hâte de goûter à son ballonné dans quelques instants? Ben, un petit peu, mais pas tant que ça. On se rappelle... J'ai vu des petits chapeaux, ils sont déjà prêts. C'est ça, puis une ça bonne fait heure un petit chapeau quand on fait cuire la ballonnée. C'est vrai que quand on fait cuire la ballonnée, ça fait un petit chapeau, mais on en parle dans quelques minutes, ouais. Jean-Sébastien. Il a le chapeau très, très, très excité, vous avez le chapeau bas. Ouais. Je me rappelle quand votre émission est sortie, a débuté l'année dernière. C'est une émission quand même assez révolutionnaire parce que c'était en même temps sur un iPad. Il n'y avait pas de pause publicitaire sur l'iPad, évidemment. Et oui. On pouvait faire la recette en 30 minutes exactement. C'était l'objectif. C'est toujours l'objectif. Okay. Et puis l'idée, c'est de faire participer les gens à cuisiner avec nous, donc d'avoir la liste d'ingrédients d'avance. Puis qu'à 17h, pour les gens qui ont la chance d'être à la maison à 17h, puissent cuisiner une recette de semaine avec nous. En 30 minutes. Et je sais que, je me rappelle, j'avais lu Richard Thérien qui avait dit que lui, il avait fait le test et ouais, il trouvait que ça allait vite. C'était un rôti de palette. Il trouvait qu'il était... Moi, je pense qu'il n'y a pas de micro-ondes. Tu le manges rosé, tu sais. Non, mais... C'est bon pour les gencives. Est-ce que c'est encore comme ça cette année? Est-ce qu'on peut vraiment faire vos recettes en 30 minutes, honnêtement? Moi, je pense que oui. Et puis, l'idée aussi, avec l'expérience et avec les années qui succèdent, on en a deux, là, fait que tranquillement, pas vite, on avance, c'est d'avoir la chance de pouvoir élaguer un peu, faire des choses encore plus faciles, des choses qui se font bien, puis d'avoir le temps d'enchaîner. C'est vraiment comme un coaching, hein? Les gens sont avec nous, on leur parle directement. Il y a une personne du public qui est là aussi pour faire le miroir, puis après ça, ben, on cuisine, puis ça marche. Moi, ça prend une demi-heure. Vous aimez ça, madame? Oui, ça fait cuisiner les gens. Mais je ne la fais pas en même temps que lui. Comment non? Ça? Ben, parce que je le regarde. C'est bien plus intéressant. Pas pour cuisiner en j'aime même ça. Temps. Il n'y a personne qui cuisine. Hein? Mais comment ça se fait qu'on regarde? Moi, mais qui cuisine? Je cuisine pas, moi. Vous cuisinez, vous? Moi, je cuisine et je ne regarde pas les émissions de cuisine, c'est pour ça. Non, vous regardez j'ai les livres. De cuisiner. Oui. Moi, c'est bien ça. Je ne cuisine plus, moi. Je raccroche mon tablier, j'ai un traiteur et puis. Ben voyons, non. Mais moi, je suis chic. Pas de ballonné, j'ai un traiteur. Vous avez fait votre argent où, vous? Ça commence à faire un goût, là. Ça coûte beaucoup. Dans mon cas, ça coûte beaucoup moins cher d'avoir un traiteur. Parce que moi, je vais au marché, puis là, j'arrête à toutes les petites. Ça doit être long en plus. Et puis là, c'est long. Ça marche pas vite. Et puis après ça, là, il faut que mon frigidaire est toujours plein. Puis là, je suis en crise de panique parce qu'il faut que je coupe ça. J'ai pas est-ce que vous aimez ça gaspiller, vous? Non, mais c'est lourd, hein? Non, mais pas c'est facile. Lourd parce que c'est dur. Alors maintenant, un traiteur, et puis genre, oui. Je peux te regarder. Tout à fait. Prenez votre temps. On a plus de vie, le problème de Fred. Non, mais tu sais, on est des professionnels, on travaille. Ouais, ben c'est passionnant. On dirait que je vous crois. Je vais aller prendre un drink. Mais toujours est-il que, quand même, il faut en parler parce que l'année dernière, vous aviez 5 émissions par semaine. Cette année, vous en avez que 4. Oui. Vous avez été remplacé par un magazine culturel qui est le magazine culturel d'entrée principale. Et en gros, vous êtes fait voler votre job par Jean-Sébastien Girard. Qui... Deux fois plutôt qu'une. Jean-Sébastien, ça c'est cheap. Mais j'y suis tellement bon. Oh. À entrée principale, vous faites vos chroniques... Vous êtes comme un feu de camp, on se lasse pas de vous regarder. C'est vraiment impressionnant. De front, de côté. Bon, on parlera pas trop de Jean-Sébastien, honnêtement, ça fait fuir les gens. Parlons de foodisme. Ça m'intéresse. Est-ce qu'on a vraiment quelque chose à dire là-dessus? Oui, parce que à chaque début de recette, Jean-Sébastien souligne, on est tanné de parler du piment d'Espelette, de la cardamome, de tous les petits ajouts qui se sont... qui se sont joints dans nos recettes maintenant. Et je me demande... Est-ce que c'est correct de manger des tranches de fromage jaune? Est-ce que c'est correct de manger du Kraft Dinner? Est-ce qu'il faut toujours repimper la nourriture d'origine? Mais je pense qu'on peut la pimper sans faire un voyage autour du monde non plus, puis faire un tour de truck pour aller chercher un saucisson magique. Moi, je pense que d'utiliser du ketchup, ça vaut la peine. Je pense qu'il faut déculpabiliser les gens d'utiliser des produits qui sont de notre quotidien. La mission que moi, je me suis donnée, c'était d'arriver à faire avec des aliments frais, puis en utilisant ces raccourcis-là, de quoi qui est bon. Moi, il n'y a rien qui me fait plus chier que le bien-pensant de cuisine qui est là, puis je fais mon ketchup, puis je fais mon fromage de brebis, et puis je vais chercher mes œufs. Puis c'est comme, c'est pas la vraie vie de personne, en tout cas pour les gens qui sont assez chanceux. Fait que nous, on cuisine des vraies choses. Oui, mais c'est parce qu'on a du choix. Avant, il y avait N'hésitez pas à parler dans le micro. C'est parce que je te regarde. Il faut que je te regarde. Ben oui, je vous. Attends un peu. OK, tournez-vous vers moi. Commencez par enlever vos lunettes, ça va déjà aller mieux pour regarder Jean-Philippe. Ah, les beaux yeux. Oh! C'est rafraîchissant. Les gens qui sont à la maison, franchement, vous faites pitié de ne pas voir ça. Je vous le dis. Alors là, j'ai décidé de tu sais, avant, il n'y avait pas de choix. Il y avait du cheese whiz puis du Kraft. Mais maintenant, de toutes les sortes de fromage, je veux dire, à moi d'être vraiment gnochon ou cornichon, tu as le choix d'avoir des bons fromages. C'est vrai. Non, mais il n'y a pas juste ça non plus. Il y a plusieurs trucs qui sont en place. Oui, on a de meilleurs produits qui sont disponibles, mais la fourchette à la maison, elle n'est pas vraiment meilleure. Le budget qui est réservé à la nourriture non plus. Fait qu'il faut trouver des moyens de pouvoir utiliser des produits qui sont près de nous, d'avoir du plaisir à table quand même. Justement, tantôt, il y a Mme Latraverse qui pète trop que le trou pour manger du ballonné. Mais est-ce que le ballonné est du poison? Pour les enfants, est-ce qu'on doit donner du ballonné aux enfants? Ben moi, rendu là, il n'y a rien qui est du poison non plus. Je pense qu'on peut, on peut s'adonner à ces plaisirs culturels-là. Tu sais, c'est pas pire que de boire un Coca-Cola de temps en temps. Est-ce que tu as ton sachet là, de ballonné pour qu'on regarde qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Ça, je vais tout montrer ça d'ailleurs, tantôt. Je vais avoir les valeurs nutritives. Hein? Je vais lire ça. Très bien. Oui, dans je vais avoir les équivalences. Quand je vais aller dehors. Mais il y a aussi le produit qui est fait maison, puis il y a le produit qui est industrialisé aussi. Fait qu'à force de lire des ingrédients, on peut faire la différence. Il n'y a rien de vraiment poison. Mais justement, je dirais, durant les dernières 4-5 années, on a vraiment entendu parler on a commencé à diminuer la bouffe, le processed food. Donc, tout ce qui est bouffe transformée, on a commencé à dire, ça, il ne faut vraiment pas toucher à ça. Si vous pouvez manger frais, manger rien d'emballé, est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est si mal que ça? Ben écoutez, moi, je ne suis pas un docteur. Non, ça, j'aimerais c'est vrai. Ça. Ouais, ouais. Ben, peut-être pas. Là, les augmentations ne sont pas super. Ben non, ça, c'est vraiment c'est plate en tabarouette. Ceci dit, je pense que ça prend un plan de match pour cuisiner, pour éviter ces pièges-là. Oui, de temps en temps, manger un plat cuisiné, il n'y a pas vraiment de souci, je pense, mais c'est d'avoir un bon plan de match, de planifier ses recettes, puis d'être capable de les cuisiner, puis de les faire en préparation. On a un système, nous, qui va très, très bien, que ce soit dans mon livre, à l'émission, ou même à la petite chronique que je fais à la Presse Plus, dans le cahier poste. Vous écrivez aussi dans la Presse Plus? Ah, mon Dieu! C'est pas fou, hein? Mais ça fonctionne, c'est de faire un plan. Toi, dans la Presse Plus? Mais il y a une chronique de cheveux qui s'en vient. J'ai refusé, moi. Oh, ils sont déjà 400 à écrire, fait que il manque de place. J'ai une ligne à la fois. Ouais, c'est ça. Savoir accorder son participe passé, c'est toujours un idéal. Être jaloux. Merci. Ben oui, mais en qui est jaloux, Jean-Sébastien Girard. Mais ça, c'est un de ses problèmes. Moi, j'ai une question. J'aurais une question pour Danny qui peut paraître. Tu sais, si on dit, les gens n'ont plus le temps de cuisiner. Moi, j'aimerais savoir qui a le temps de revenir du bureau pour être prêt à 17 heures pour qui cuisiner. Qui sont ces gens? L'école bleue. Pour vrai. Nous, ce qui nous différencie aussi, c'est le rendez-vous qu'on peut donner au rythme des gens avec l'application qu'on a, le coach culinaire. Donc, sur la tablette, vous pouvez voir la même émission. Puis en plus, en 30 minutes, vous avez du contenu pour les pauses, des petites chroniques. C'est vraiment chouette, puis ça se fait bien. Il faut savoir aussi que l'émission qu'on propose, elle est tournée en temps réel. Fait qu'en 30 minutes, ça se fait pour vrai. Ouais. La personne peut le faire en même temps que nous. Les produits qu'on utilise sont disponibles en épicerie un peu partout au Québec. Il n'y a rien de trop exotique là-dedans. Puis justement, on prend des choses qu'on aime manger, puis on les fait ensemble. Mais que... oui, il allez-y. Il est très bon. Ah, ben arrêtez d'en mais dire. Non, mais je le dis, t'es un petit peu jaloux, je le sens, c'est ton beau-frère, mais... Et... moi, il me regarde pas dans les yeux. Hein. Regarde, non, mais je... c'est très bien ce qu'il fait. Je sais que c'est très bien. Tu l'as-tu regardé? Vous savez qu'il a gagné un Gémeaux pour l'application... Ben, c'est l'application qui a gagné. Ben quand même, vous faites partie de l'application. Moi, je me suis appris à participer. Bon, voilà. Non, mais toi, est-ce que tu cuisines? Gagner un Gémeaux, c'est comme écrire après. Tout le monde en gagne un, à un moment donné. C'est deux qui est le plus dur, hein? Mais oui, oui, je cuisine. Est-ce que tu cuisines? Ta mère est ici, là. Non, c'est pas ma mère, c'est la mère de Jean-Sébastien. Ah, c'est la on n'est pas frères, Jean-Sébastien Girard et moi, Louise Abadès. C'est étonnant. Okay. Ouais. Mais je cuisine quand même, oui. Tout à fait, tout à fait. Mais, j'aime ça cuisiner. Ah bon? Mais oui, mais voyons donc. Quel genre? Quel genre? Ben, il fait le régime paléo, fait qu'il cuisine trois ingrédients. Je mange de la viande, la je mange viande, des légumes. Du bœuf et du bœuf. OK, des patates. Ouais, ça a des yeux ou ça se cueille. Ah ouais, ouais, c'est non, c'est ça qui est important. Vous savez, je vais souvent... ben, quand on va dans les épiceries, il y a de plus en plus de manger local. Oui. Si on voit ça de plus en plus. Est-ce que c'est si important que ça? Puis vous allez me dire, là, parce qu'il y a quand même une bonne différence de prix entre le manger local et ce qui est disponible, par exemple, au Previgueux. Mais moi, je pense que le prix, il faut le calculer aussi sur notre quartier, sur notre société. Quand on achète local, on encourage quelqu'un qui dépense son argent dans notre quartier. Puis ça, ça vaut la peine. Puis pour les quelques sous qui sont de différence, ouais, en planifiant comme il faut, la réelle économie, c'est de faire un plan puis de cuisiner avec des choses qui sont autour de nous. On est là, puis les gens sont souvent à dire « Oui, moi, je mange local », puis t'es pogné au Costco après à remplir leur panier d'affaires qui viennent de partout. Ouais, c'est ça. Hein? Je pense qu'il faut être honnête puis de se dire « OK, ben, si je prends des raccourcis, je le fais. Sinon, si je veux être un bon citoyen, ben, je vais utiliser des choses qui sont près de moi. Puis je vais m'impliquer aussi dans l'agriculture qui est locale puis demander ce que je veux à mon épicier. » Puis en exigeant, puis avec la force du nombre, ben acheter c'est voter. Les gens qui organisent vont prendre le risque d'acheter localement. Louise, est-ce que votre traiteur cuisine local? Qui est votre traiteur? Thierry. Bon, oui. Le salut. Bon, salut Thierry. Oui, Thierry. Bonjour Thierry. Dani, vous cuisinez presque plus en resto, en fait, si je comprends bien. Ben je cuisine presque plus. Puisque j'étais là la moitié du temps, j'engageais un chef. Okay. Chez Auguste, puis je m'implique dans le quotidien. Oui, ça me manque, mais j'ai acheté un immeuble à un jet de pierre d'ici, sur l'avenue du Parc. C'est vrai, ça? Oui, donc je vais... The band is back together. Ah, ouais. Je repars un projet au printemps. Oui, je m'ennuie de cuisiner en restaurant. L'énergie d'un restaurant, c'est complètement fou. C'est un sport d'équipe, il y a de l'adrénaline. Oui, je m'adonne à faire des communications de cuisine en ce moment, puis c'est vraiment agréable, mais mon vrai métier, moi, c'est d'être un cuisinier, c'est de diriger une cuisine, c'est de faire de la restauration. Donc, le retour est imminent en 2015. Mon Dieu. Oui. Non, mais là, je veux dire, c'est devenu comme. C'est de la névrose, hein, maintenant. Mon Dieu, la cuisine, vous parlez quoi, là? La névrose. Non, mais pas de la cuisine, parce qu'on parle juste de cuisine partout. Je ne suis pas contre toi, parce que tu fais bien ça. Bon, on le sait, c'est tellement doux. Je fais tant de cuisine, puis on parle juste de manger, puis d'acheter, puis c'est local, puis il faut tout acheter. Mais on perd un temps. Moi, je vous assure, je suis une excellente cuisinière. Oui, semble-t-il. Oui, très bonne. Très bonne. Mais à un moment donné, il faut que tu choisisses. T'sais, tu ne peux pas passer ta vie à aller tout acheter local, puis après survenir, puis après se cuisiner avec toutes mais les moi, bonnes affaires. Ça m'emmerde, non, moi, cette histoire-là aussi, pareil job. Comme vous. C'est une job. Il faut le planifier. Vous savez quoi? Frédéric Savard, moi, ça m'a toujours impressionné. Frédéric Savard est une personne qui cuisine énormément. Oui. Et vraiment... Plusieurs enfants, hein? Ben, ah oui, un. Ben, il y a un connu. Il ne sera pas content de m'entendre, mais il est difficile. Fait que c'est même pas pour lui, je le sais. Mais un connu. Et à chaque fois qu'on le voit, des batchs de pâté chinois, de la sauce à spaghetti, il cuisine constamment. Batch. Oui, c'est ça. Mais vous je cuisine pas tous les jours à 17h. Oui, j'ai fait mes conserves. Ah, voilà. Mais ça prend une journée et demie. Si Fred peut le faire, moi, je pense que beaucoup de gens tout peuvent à fait. Le faire. Non, mais tout à fait. Sauf que moi, j'ai des horaires un petit peu particuliers. Là, je fais pas du 9 à 5 dans un bureau. Je n'ai pas à me taper le trafic. Et je reste pas dans la couronne nord. Et ça participe énormément à mon bonheur. Félicitations. C'est quelqu'un de très heureux, Fred. Vraiment, là, je vous le confirme, c'est quelqu'un de très heureux. L'opposition, hein, le clivage. Merci beaucoup, Dani. Vous restez avec nous? J'aimerais ça. Ben, vous restez avec nous. Est-ce que tu as quelque chose à manger parce que moi je mange pas de ballonné. Mais moi j'ai quelque chose pour vous. Oh, attendez. Merci. Attends, soyez patient. Est-ce que vous aimez le théâtre? Vous aimez le théâtre, hein? Ben, franchement. Je sais pas, moi. Je suis née dans un théâtre. Théâtre. Il n'y a pas grand théâtre à Arvida, ma belle. Non, il y avait le palace. Il y avait le palace à Arvida, hein? C'est vrai. Ouais, c'est pas un théâtre, ben ça. Non, mais en tout cas. J'ai dansé mon premier slow au palace à Arvida. Non, mais c'est parce qu'on. Avec vous-même? Oui. On a deux hommes de théâtre ici. Et chaque semaine. Chaque semaine, ils reprennent les deux des moments marquants de la dramaturgie québécoise. La semaine dernière, ils ont... Je tiens à dire, c'est assez comique, c'est qu'on n'a jamais... On fait du radio-théâtre, on n'a jamais fait d'extrait de théâtre. Non, c'est pas grave, ça. On fait du cinéma. Stéphane, qui ah, non, on a fait Les Voisins. C'est les voisins. Sinon, on a fait de Déclin de l'Empire américain, ouais. La fameuse scène. On a fait également, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a fait déjà? Ah, Chambre en ville. Qui n'est pas tout à fait du théâtre. Et évidemment, cette semaine, impossible de passer à côté de la disparition de Gilles Latulippe. Hein? Et messieurs Savard et Girard ont décidé de jouer pour vous un des moments marquants de la série culte de Marcel Gamache, Symphorien. Et oui. C'est une scène qui consiste à quoi? Bon, écoutez, la prémisse est toujours à peu près la même. Au début, le théorème en scène, c'est Symphorien qui est un concierge, oui. Qui est concierge dans une maison de chambre. On peut dire le clown rouge. Le clown rouge, ouais. Hein, si on veut avoir les codes du théâtre, on va peut-être perdre des gens, évidemment. Oui, les gens quittent. Là. Oui, voilà. Alors donc, Madame Sylvain, qui est interprétée par Juliette Huot, donc qui était la propriétaire de cette maison-là. Plus tard aussi, elle va devenir partenaire d'affaires avec la vieille fille Jeannette de Suteau, Mademoiselle Espérance. Et vous jouiez, vous, là-dedans? Aviez des caméos? Oui, des caméos. Oui. Quelques personnages viennent. Un petit 200$ à gauche par droite. On faisait des gros salaires dans À l'époque. Donc, et les deux personnages centraux, donc on avait Symphorien et son frère Ephraim, qui était interprété par Fernand Gignac. Le clown blanc. Le clown blanc, exactement, pour reprendre les codes du théâtre. Hein. Merci Jean-Sébastien. Alors évidemment, Symphorien, c'était un excellent conteur de blagues et Ephraim, son frère, tentait de reprendre ces blagues-là, mais il n'était jamais capable de le faire. Voilà. Mais Symphorien, c'était Gilles Latulippe. Oui. Gilles Latulippe. Voilà. Alors je jouerai. C'est une interprétation. On ne peut pas, il est inimitable, donc ne vous attendez pas à une imitation, mais je jouerai le rôle de Symphorien. Je jouerai le rôle d'Ephraim. Effectivement, je pense qu'on va comme se réapproprier ces personnages-là avec notre sensibilité à nous. Alors, je demande aux gens dans la salle de bien écouter. C'est un grand moment que vous allez vivre. Alors, place au théâtre. J'ai une histoire à te conter, là, une vieille histoire, mais drôle. Ah ouais? Non, ouais, j'avais pas ri de même dès que ma belle-mère était tombée d'invidence. Bah! Tu vois, c'est drôle pour mourir. OK, c'est deux gars qui se rencontrent. Il y en a un qui dit à l'autre, hey, qu'est-ce que tu fais de bon? Ah, ben, je travaille au Bell Téléphone comme opérateur. Il dit, arrête donc, Bell Canada, il engage rien que des opératrices, pas des opérateurs. Il dit, non, je travaille comme opérateur. Il dit, ouais, mais qu'est-ce que tu fais comme opérateur? Ben, il dit, quand les lignes sont occupées, c'est moi qui fais. Ça, c'est drôle, mon frère. Bonne. À matin, tu m'avais conté des devinettes aussi. Il y avait deux devinettes. C'était quoi déjà? Tu t'en souviens pas? OK. Comment on appelle l'aumônier des cuisiniers? Comment il s'appelle? L'aumônier des cuisiniers, comment il s'appelle? Je sais pas. Je me rappelle pas. Le père collateur. Non. Comment on appelle l'aumônier des terrains de jeu? Voyons, je te l'ai dit un matin. Ben oui, mais je me rappelle plus. L'abbé Lançois. L'abbé Lançois. Ça, c'était drôle. Ça, faut pas que j'oublie ça. Faut que je m'en souvienne aujourd'hui. Parlant d'oublier, je suis en train d'oublier Mme Sylvain. Elle a la robe poignée dans la porte. Là. As-tu la petite vis? Oui, elle a la petite vis. Tiens, prends-la, petite vis. Là. Ah non, c'est pas possible. Un autre poignée de défectueuse. Ah, Vera. Je pense que j'aurais pas dû, hein. Ouais. C'est arrangé exactement comme l'autre. Là. La tige de la poignée est tombée dans le portique. Ah, ben c'est ce que je disais. J'aurais pas dû, ça. T'aurais pas dû quoi? Ben, la vis que t'as là, je l'ai prise après la poignée de porte qui est là. Tu l'as prise là? Ben oui, j'en trouvais pas ailleurs des vis. Ben, tu sais que t'en manques une vis, Ephraim? Ben oui, je le sais qu'il manque une vis. On a deux poignées de porte, puis on a rien qu'une vis. Oh là là. Pas du Victor Lévy-Beaulieu. Non, c'est un bel effort. Merci, Mme Latraverse. Mais on fait ce qu'on peut avec les textes. Pardon? Non, mais vous étiez très bon. Jean-Sébastien, honnêtement, vous étiez très bon. Oui. Mais peut-être d'autres choses la prochaine fois. Merci beaucoup, franchement. Vous écoutez La soirée est encore jeune sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, une émission qui trouve qu'il n'est jamais trop tôt pour arrêter de cacher une tasse à café. Je sais, vous vous attendez à ce que je m'auto-congratule. L'actualité est un peu chipette cette semaine. Il paraîtrait que je serais un gauchiste radical. Fred Savard, le gauchiste radical. Oui, alors j'aimerais revenir sur cette polémique initiée par le journal Le Figaro, qui cette semaine publiait en ses pages un sondage très douteux qui demandait la question suivante. Estimez-vous suffisante la condamnation des musulmans de France? Évidemment, la France est secouée par le meurtre de ce randonneur français par les terroristes du groupe armé État islamique. Vous savez que c'est l'appellation officielle sur nos ondes, ça? Le groupe armé. On ne veut surtout pas leur donner de la crédibilité à ces barbares, bien que j'ai mes réserves en appelant cela groupe armé. J'ai peur que des conservateurs pro-armes s'entichent de l'EI. Fin de la petite parenthèse. Donc, en début de semaine, débat putride lancé par Le Figaro, qui voulait sûrement capitaliser sur l'attentat de ce randonneur français. Ça a d'ailleurs été très mal reçu par ce qui reste de la gauche française, qui en a profité pour dénoncer l'islamophobie rampante derrière cette question du journal Figaro. Un collectif français de confession musulmane a même cru bon publier sur le site internet du Figaro une lettre pour dénoncer la barbarie du groupe armé État islamique. Appelons-le le GAI. Hein? GAI, parce que ça va être long tout le temps, groupe armé État islamique. GAI. Alors, je vous lis un extrait qui clôt la lettre. Nous, Français de France, de la confession musulmane, tenons à exprimer avec force notre totale solidarité avec toutes les victimes de cet ordre de barbares, soldats perdus d'un prétendu État islamique, et dénonçons avec la dernière énergie toutes les exactions commises au nom d'une idéologie meurtrière qui se cache derrière la religion islamique en confisquant son vocabulaire. Personne ne peut s'arroger le droit d'exprimer en notre nom, et pour mieux attester de notre solidarité dans les circonstances dramatiques actuelles, nous revendiquons l'honneur de dire « Nous sommes aussi de sales Français ». Et boum, la conclusion dit tout. Doit-on demander à tous les musulmans de dénoncer les agissements du Gaïa seulement parce qu'ils sont musulmans eux aussi? C'est, ça, c'est la vraiment une bonne question, j'ai écouté en mais plus. Mais oui, n'ayez crainte, cette polémique a déjà atteint nos rives. C'est pas juste en France. Dominique Moret en parlait pas plus tard cette semaine. Qui? Sur les ondes. Dominique Moret. Sur les ondes, c'est ça, Moret Live? Dominique ouais, Moret, oui. Ouais, ouais. Sur les ondes de Radio X9, alors qu'il s'entretenait avec la chroniqueuse Denise Bombardier, qui sur cette radio a presque l'air d'une dangereuse gauchiste comparée à Moret Live. Alors évidemment, pour l'instant, cette polémique est confinée à l'anonymat des codes d'écoute rachitiques du Radio 9X, X9, mais avec les beaux commentaires entendu pendant le débat sur la charte au printemps dernier. On ne perd rien pour attendre, ça s'en vient. Avouez que vous mourrez d'envie d'entendre les Pinot Caron avoir la chienne de leur vie en voyant les images de décapitation. Et que dire de Bernard Drinville? Que dire de Bernard Drinville qui était très, très, très inquiet des extrémistes pendant la charte? Mais je sais pas s'il s'y intéresse encore aujourd'hui. Hein? Il me semble qu'on on sent plus le PQ aussi inquiet depuis leur décapitation du 7 avril dernier. Oh. Alors... Je répète donc la question, doit-on demander à tous les musulmans de dénoncer les agissements de l'État islamique seulement parce qu'ils sont musulmans? Et d'ailleurs, la rédaction de Rue 89 énumérait une foule de dénonciations toujours pas faites si on suit la logique du Figaro. En voici quelques exemples. On n'a pas demandé aux Basques désolidariser des actions terroristes de l'État. On n'a pas demandé aux chrétiens de se désolidariser du Ku Klux Klan. On n'a pas demandé aux porteurs de prothèses de se désolidariser d'Oscar Pistorius. On n'a pas demandé aux sandales de se désolidariser des Crocs. On n'a pas demandé aux philosophes de se désolidariser... Ça l'est pas donné facile. De Bernard-Henri Lévy. On n'a pas demandé aux écrivains de se désolidariser de Poilu Coelho. Poilu. On n'a pas demandé au Joseph de se désolidariser de Staline. On n'a pas demandé à Beaumarchais de se désolidariser du Figaro. Évidemment, tout cela est devenu viral sur Internet et je me disais qu'on pourrait peut-être ici même faire le même exercice adapté pour le Québec et le Canada. Par exemple, on n'a pas demandé aux producteurs de porc de se désolidariser des radios jambons. On n'a pas demandé... Et du ballonné. On n'a pas demandé au vent de se désolidariser de Denis Coderre. On n'a pas demandé à la communauté italienne de se désolidariser de la mafia. On n'a pas demandé à la mafia de se désolidariser du Parti libéral du Québec. On n'a pas demandé à tous les contenants vides de se désolidariser de Yves Bolduc. Vous voyez, la liste est infinie d'ailleurs. J'invite nos auditeurs à faire de même d'ici la fin de l'émission, à nous envoyer leur meilleure désolidarisation. Et Olivier les lira les meilleurs, si meilleurs il y a. J'aimerais surtout entendre les créations de nos auditeurs de confession musulmane. Question que, pour une fois, ce ne soit pas nous qui tendions le miroir vers eux. Question qu'on se regarde autre chose que le nombril. Ah! Pour y écrire dans Presse Plus aussi, vous, hein, franchement, c'est assez bien ça. Alors, c'est toi donc. Ben voyons donc. Je m'insulte. Si vous m'insultez dans le micro, s'il vous plaît. Bon, puis le dé... je trouve que... Désolidarisé. Oui, ça, c'est un mot que tu devrais ben plus non, dire je sais de, bien. Du reste de l'année, là. Madame Latravers, je l'ai dit 15 fois. Non, de toute façon, pourquoi toujours atteindre la perfection? Non, hein? Parce que c'est des cours de... Je suis sûr que quand vous jouiez dans chez Denise, là, vous deviez mâcher des mots des fois. On vous en tient pas rigueur. Ça vous a permis de vous payer un traiteur, quand même. Des cours de diction. Ah oui, ça, c'est vrai. On n'a pas le temps. Je cuisine tellement, madame. Lâche la cuisine. Ben oui, mais c'est bien plus agréable que dire chichachichachi les chemises. Bon, ça suffit, là. On va manger un peu. Jean-Sébastien ben Girard. Oui. Ça fait une heure qu'on en parle. J'ai presque plus rien à dire sur la ballonnée, Jean-Philippe. Ben non. En plus, vous avez tout votre temps. Hein. Je vous le dis, là. Ben oui, tout à fait. On est bon, stressé de ne pas avoir de temps, mais finalement, on en a en masse. Ben exactement. Alors, Jean-Philippe, vous savez, je suis déjà un peu fatigué de faire 2 heures de radio par jour comme ça. Je suis un peu à court de sujet. Alors, cette semaine, j'ai pensé faire un appel à tous sur ma page personnelle Facebook en vous demandant de quelle nourriture d'autrefois vous êtes nostalgique. Mm-hmm. Et effectivement, les gens m'ont répondu massivement le ballonnet rôti. J'avais complètement oublié ça. Massivement. J'ai moins, je dirais 10% des réponses. On parlait du fameux ballonné rôti avec du ketchup, avec la moutarde baseball, avec du maïs en crème, avec des patates en flocons pour accompagner le steak de ballonné. Okay. Bon, évidemment, on se demandait d'où ça venait. Tantôt, on se demandait ce qu'on doit dire de la ballonné ou du ballonné. Mais je pense que c'est du ballonné, oui, non? Oui, moi, je dis de la ballonné, mais bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le mot oui... Je pense que Mme DiStasio dirait... Ballonne. Du ballonne. Je pense qu'elle dirait de la ballonne. De la ballonne. Elle n'aurait pas tout à fait tort, en fait, parce parce que le mot ballonné, c'est un emprunt à l'américain Jean-Philippe, qui lui-même est une déformation de Bologne. Bologne, ville italienne, reconnue pourquoi? Pour sa mortadelle. Pardon. Voilà. Et la ballonnée, c'est notre version américaine de la dite mortadelle. C'est de la mortadelle. Oui, voilà. Exactement. Et effectivement, à l'époque, on appelait ça du steak des pauvres. Pourquoi? Parce que c'était une charcuterie qui était beaucoup moins chère que les autres. Vous savez qu'au Saguenay, nous, on appelait ça du... ballonné. Ben non. Du steak de... Je connais rien de ça, moi. Du steak de quoi? Elle est née dans le coton. Mais non, on mangeait de la melasse, mais on mangeait pas de ballonné. Du steak de jobber. J'ai jamais entendu On appelait ça du steak... Ben voyons. C'est tendre. Ben, moi aussi, je viens du Saguenay, puis on appelait ça du ballonné. Du ballonné. Je pense que c'est juste dans votre famille, Jean-Philippe. On était très pauvres. Allez-y, Jean-Sébastien. José Di Stasio disait du steak de Job. Du steak. Pauvre comme Job, voyez. Et en écoutant encore une fois des vieilles émissions de l'épicerie, Jean-Philippe, j'ai appris que non seulement le ballonné aujourd'hui coûte à peu près le même prix que les autres charcuteries, donc c'est plus un avantage financier d'acheter du ballonné. Mais en revanche, ça se vend encore autant maintenant qu'à une certaine époque. Donc la seule raison, c'est parce que c'est bon, Jean-Philippe. Alors ici, j'ai apporté... Ça me semble être une conclusion un petit peu hâtive. Voilà. Alors, j'ai apporté ici différents formats. Vous avez le ballonné déjà en tranche, Schneider. Est-ce que je peux l'avoir? Oui, donnez-en c'est ici brun, aux gens. Là, c'est vous brun, avez... dégoûtant. Je vais vous expliquer pourquoi c'est brun. Regarde, c'est brun. Pourquoi c'est brun? C'est un colorant, parce qu'à la base, ça serait comme d'une couleur de chair, un petit peu comme l'intérieur d'une chair à saucisse. Prenez-en. Mais non, on n'a plus le droit de mettre la coloration dans les aliments. Ah, pour ça, on a le droit. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ouais. Et je l'ai ici en morceaux, c'est-à-dire qu'il n'est pas déjà coupé. Souvenez-vous d'une certaine époque, on pouvait l'acheter dans du ciré, dans un espèce de truc ciré. C'est le seul que je mangeais, moi. Oui, avec une petite ficelle. Ah. On enlevait la petite ficelle, on se tranchait des morceaux de ballonné. C'était. On se posait la question tantôt. Deux tranches de ballonné apportent 25% de votre ration de sel quotidien. Mmh. Mais en fait, j'ai des chiffres exacts. Le sel est rendu maintenant le cinquième aliment du groupe alimentaire. Exactement. Fred, pour être plus précis, si vous prenez une tranche de 100 grammes de ballonné, c'est comme si vous preniez, au niveau du sel et du beurre, c'est comme si vous mangiez 5 carrés de beurre avec 5 sachets de sel dessus. Ah, ça, c'est l'équivalent de 100 grammes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans de la ballonnée, Madame Latraverse? Qu'est-ce qu'il y a dans de la ballonnée? Ah, c'est écœurant. Je veux dire, tout c'est ce bon, que j'entends, c'est épouvantable. Je viens de goûter, mais là, je ne peux pas vomir sur son beau linge. Il était bien blanc. Ce n'est pas la première. Vous allez réaliser le rêve de tant de gens. Mais attendez, ce n'est pas la version rôtie que vous allez manger. Alors, ça peut contenir plusieurs types de viande, ça contient du gras de porc, ça contient des cœurs, donc des cœurs d'animaux, ça contient aussi des trimures de bœuf. Ben, des trimures? Non, mais ça, c'est bien vous riez, hein? Oui. Mais je goûte la trimure maintenant. Ah oui, hein? Mais dans cette tranche-là, elle est quand même assez subtile. Elle est résiliente, elle est plus au moment de l'avalement. Voilà. Ça peut contenir aussi des viandes qu'on a désossées mécaniquement. Ah. Écoutez comment ça fonctionne. Vous savez, parfois... Une drill? Non, il reste des fois des petits morceaux de viande après les ossements d'une viande qu'on n'est pas capable d'enlever à la main. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est ce qu'ils font chez Olimel, c'est ce qu'on dit dans un reportage. Ils vont prendre la carcasse de l'animal avec des petits morceaux de viande et ils vont broyer tout ça, les os et la viande. Ben voilà. Ensuite, dans une machine qui va séparer la viande et les os, on va pouvoir créer l'espèce de petite viande qui va nous servir. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça contient aussi ce qu'on appellera des sous-produits, c'est-à-dire du sang et du foie. Ben, c'est excellent. Et ce qui est intéressant aussi... Non. Ah, OK, excusez. Ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Il est où mon gros morceau de ballonné? Il est là. Ça, voyez-vous, c'est là la fleur. Le volet. Et quand on regarde, on dit que ça contient... On ne sait pas trop c'est quoi la viande, parce qu'on dit que ça contient du poulet et ou du porc et ou de la dinde. Donc, pourquoi le et ou? Parce que ça dépend effectivement des arrivages. Ça dépend, de la récolte. Ça dépend des arrivages de viande. C'est de la cuisine du marché. Tout à fait. Chez Olimel... L'effort local. On dit chez Olimel, effectivement, que des fois, on a de la viande à recycler. Ouais. Quand on veut faire fumer des viandes, des fois, dans le fumoir, Danny, ça explose. Alors, on va comme récupérer ces petits morceaux de viande-là. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, oui. Ben oui, j'ai l'air d'un fumeur, moi, là. Mais non, mais est-ce que c'est vrai? La viande est aussi mécaniquement, dans une production, c'est sûr, d'écraser des carcasses, le jus sort, on l'utilise. Voilà. On va mettre aussi de la farine, des substances laitières, toutes sortes de choses, des protéines, des trucs justement pour assurer cette belle couleur-là, cette belle texture-là. Alors voilà. Vous en trouverez évidemment, maintenant, c'est dans l'air du temps, des versions plus allégées. Il existe même un ballonné végétarien, mais ça, je pense que c'est encore... T'as un petit problème d'envie. Mais parce qu'il est vert. Ça va pas bien. Le vert, c'est pas beau. Non. Voilà. Et c'est le moment de faire ma recette, évidemment. Oui. Hein? Bon, qui est une des plus populaires, évidemment. Ce qui est très bon aussi, c'est le fameux sandwich au ballonné, deux tranches de pain blanc, de la moutarde baseball. Tu sais, un pain blanc frais là, qui reste dans mon palais. Là, ouais. C'est extrêmement bon. Mais pourquoi t'as choisi ça? Parce que c'est bon. Quand tu savais que je venais aujourd'hui, mais je savais pas à ce moment-là. Ma traverse d'émission n'est pas tournée nécessairement. Oui, je suis l'invité du début à d'honneur, c'est vrai. Vous êtes l'invité d'honneur. Et c'est vrai, on s'en excuse. Jean-Sébastien ne recommencera plus jamais. Mais vous allez être étonné en goûtant la version rôtie. Alors, je commence. Je pense que le poêlon est déjà chaud. Oui, attention pour ne pas vous brûler, Fred. Oh, voilà, donc j'ai mis un petit peu de margarine. On parle de vraie margarine, pas une margarine avec de l'huile d'olive, des niaiseries comme ça. Une Fleischmann. Oh. Et là, je mets mes morceaux de ballonné. Ouais. Ah, voilà. Mon Dieu, vous savez. Et regardez, ça fait des petits chapeaux. Oui, on le disait tout à l'heure. Oui. Les foodies diraient, bon, ben mettez des... Il faut sortir la viande du frigo, il faut la chambrer. C'est le froid qui fait ça. Ben oui. Voilà. Mais vous savez que pendant tout ce temps-là, Danny nous a fait sa propre recette. Ouais. Hein. Avec la montagne. Il veut faire son show-off pour Mobstage, mais pour vrai, ce qu'il vient de m'offrir, ça ne m'intéresse pas du tout. Non, je vous invite. Hey, j'avais justement besoin d'une kippa. Tu n'auras pas, c'est sûr. Fred, j'avais les mains sur le ballonné rôti. Alors, on est tous en train de goûter le ballonné rôti de Jean-Sébastien. Et au même moment, Danny. Ça, c'est une mortadelle, Danny, que vous nous avez apportée. Oui, j'ai apporté une mortadelle parce que je trouvais ça triste de représenter cette bonne idée qui était le ballonné comme ça. Évidemment, vous avez dit qu'au départ, c'était un saucisson de Bologne. C'est Oscar Mayer dans les années 30 qui est arrivé de Bologne avec cette idée-là de recycler de la viande comme ça. La mortadelle, ça se fait avec une belle épaule bien ferme de porc, un peu de grotte d'eau, des pistaches, beaucoup de massis qui est l'enveloppe de la muscade. Puis regardez comme c'est joli sur une tartine de pain bien beurrée avec un peu de mostarda de poire. Eh ben, ça fait pas mal. Danny, on a très hâte à votre recette la semaine prochaine. C'est quand même une très bonne idée. Mais je veux juste souligner que la ballonnée est meilleure pour la santé que la mortadelle. C'est ce qu'on a dit à l'épicerie. La mortadelle, elle est beaucoup plus grasse, est plus salée. Pardon, je m'étouffe avec ma ballonnée. Ah, je sais, c'est la passion. c'est le ciré qui vous est tombé en gorge. Ne croyez pas tout ce que Mme Despins dit. Hein. Non, c'était Marie-Josée Taillefer à l'époque. Ah, le mon reportage. Dieu! Une véritable autorité. Mais tu sais pas d'où elle ne vient pas de Bologne, cette pas du tout, elle vient chez mes amis de chez Impact. Fait que je salue Yann Turcotte qui l'a fabriqué. OK, ben là, c'est un peu le bordel, là, mais c'est parce qu'il faut absolument continuer de manger votre ballon. La bouche pleine, je vais l'aider. Et on va passer à Olivier immédiatement. Il paye du monde pour rediffuser des extraits de la Radio de Québec. Il me trouve drôle, qui m'engage au lieu de passer des bottes. On a-tu vraiment besoin de ça comme contribuable? Tu sais ce qui est dommage, Olivier? Non. C'est que pendant votre chronique, nous, on va manger, mais pas vous. C'est pas grave. Mais cet été, Jean Lapierre est allé visiter des mines dans le plan Nord, ça, pour le fun. Il est revenu avec toutes sortes d'informations utiles pour trouver que c'est bien trippant, le développement minier. Et après son scoop sur Nathalie Normandeau, qui aurait été approchée par les libéraux de Justin Trudeau, mais finalement pas vraiment, il nous est arrivé avec un autre scoop du Grand Nord. Et sais-tu ce qui m'a surpris? Les meilleurs, tu sais, parce que c'est des gros camions, des immenses camions, là. Les meilleurs chauffeurs de camions? Les femmes. Eh oui, vous l'aurez apprécié, une madame, ça peut conduire un truck. Mais une madame, ça peut aussi se présenter à la chefferie d'un parti, ben, si elle s'arrange un peu, là. T'as vu sa nouvelle image? Pour les purs et non, nouvelle image? Hey! Comment ça? La chevelure, l'apparence, le maquillage et tout. Ah ouais? Ah oui, d'après moi, elle a même lâché les jupes en terre cuite. Non, on parlait évidemment de Martine Ouellet ici. Et justement, la terre cuite était d'actualité cette semaine dans le monde du monde qui chiale, puisqu'on a beaucoup parlé des manifestations pour le climat et de l'absence de Stephen Harper à la conférence du même nom. Et il semble que chez les climato-sceptiques, le mot se soit donné pour dire que la ferveur des gens pour l'écologie ait pris trop d'ampleur. À un moment donné, ça devient une religion, puis tu n'as plus le droit de penser, de te questionner, le réchauffement climatique. Ça, ben c'est devenu une religion. Hein. C'est ça le problème. Et maintenant, c'est rendu presque une idéologie, une religion. Oui, et le problème avec la religion, c'est qu'elle se fout de la science, selon le scientifique ex-ministre péquiste Jacques Brassard. La science a été évacuée, mise en parenthèse, et c'est la dimension religieuse de cette question-là qui ressort maintenant, là. C'est vrai que ces ex-politiciens, ex-profs de français ou animateurs de radio ont d'excellents arguments pour scientifiques pour soutenir leur scepticisme. Jeff Fillion, par exemple, il y a des preuves empiriques. Ce mythe que la Terre se réchauffe. Moi, je peux vous dire une chose. J'ai oublié de fermer une coupe de fenêtre dans la maison cette nuit. Là. Je peux dire que pour un mois de septembre, ça se réchauffe pas fort. D'ailleurs, il fait combien à Québec en ce moment, Fred? Il fait 4 degrés de moins qu'à Montréal et les gens sont pas contents. Il y a la bouche pleine, pour petit. Remarquez que c'est peut-être le 3 % de scientifiques qui ne croient pas au réchauffement climatique qui ont raison. Ça s'est déjà vu. Malheureusement, ce n'est pas eux qui sont invités dans les médias, mais plutôt des gens dont les sources sont obscures. Je dirais des obscurantistes, mais il faisait clair dehors ce matin. Donc, je ne sais pas si l'obscurantisme existe. Rénal Duberger, sismologue et géologue, lui, il est déjà allé vérifier sur le terrain si les atolls du Pacifique allaient être inondés suite au changement climatique. Il est le seul des commentateurs qui possède une base scientifique, mais je comprends que certains puissent avoir envie de lui secouer un peu le cocotier. J'ai vu des gens qui pêchaient des gros poissons, qui jouaient du ukulélé puis qui cultivaient des noix de coco. J'ai même failli leur envoyer une facture pour le CO2 que j'émettais avec mes deux véhicules parce que c'est grâce à ce CO2-là que leur cocotier proliférait. Faisais-tu des tartes aux coconuts? Oui, justement, j'avais calculé que grâce à mes émissions de gaz à effet de serre, je faisais pousser peut-être 7 ou 8 cocotiers de plus sur un des atolls du Pacifique. Hey, dire que pendant qu'on paye des taxes sur l'essence, les cocotiers s'en mettent plein les poches avec notre CO2, c'est scandaleux. Mais peut-être aussi qu'en ce moment même, je suis en train de jouer le jeu du grand complot contre le capitalisme mondial sans m'en rendre compte, un complot dont parlait cette semaine Richard Descarry, chroniqueur à Radio 9. C'est de la propagande parce qu'en fait, tout le monde est d'accord pour qu'il faut protéger l'écologie, il faut être écologiste, il faut au sens de protéger l'écologie, mais l'écologisme, c'est une idéologie de gauche qui est faite justement pour influencer les souverainetés nationales dans un plan qui est en fait carrément du marxisme culturel. Là. C'est à ça qu'on a affaire. Et oui, derrière l'écologisme se cache un complot marxiste. Ça, c'est la version intello. Pour ceux qui n'ont pas compris, Jeff Fillion de Radio Énergie a une belle métaphore. Les grands défenseurs, les communistes, les melons d'eau, les gens qui disent « vert » en dehors, mais que la vérité pourquoi ils sont verts, ils n'aiment pas plus la terre que moi. Là. Les communistes. Ben oui, ce qu'ils veulent, c'est la démolition du système capitaliste. Ah, c'est une belle image quand même. Et dans le même ordre d'idée, on pourrait dire que les climato-sceptico-larbins sont comme des dattes. Ils sont bruns en dehors, puis bruns dedans. Ah! Ben merci beaucoup, Dany, pour cet excellent plat qui a accompagné le bruit de fond. Et merci, Olivier. C'était vraiment très bon de voir ta belle, Dany. Trop gras. Je préfère la ballonnée. En fait, je déteste les deux, mais je préfère la ballonnée de Jean-Sébastien. C'est trop gras pour nous. Ben oui. Le moins pire des mâles. Vous êtes fait. Mais merci Olivier, franchement. Oui. Mon Dieu, Jean-Sébastien, c'est à vous. Oui. Hein. Est-ce que vous avez des questions pour nos invités? Oui, une question pour Dany, qui va comme suit. Que pensez-vous de Marie-Lou? Est-ce que vous êtes en compétition parce que les deux, vous faites des recettes, les deux, vous sortez des livres et les deux, vous nous tombez parfois sur les nerfs? Et c'est signé J. Distasio. Est-ce que vous l'avez lu, le livre de Marie-Lou? Je l'ai feuilleté, oui. Puis, c'est très joli. C'est un beau livre d'images. Ah ouais? Oui? C'est vrai, ça. Bon. Oh! Des très belles photos. Ben oui, on c'est vrai. Sans l'attention? Pas du tout. Mon Dieu, mais j'ai peut-être manqué d'attention. Vous êtes tellement amer, c'est affligeant. Je préfère aigri. un hommage à Mme Louise Latraverse, qui nous vient d'une... Ben voyons, pourquoi franchement? Ben là. Un hommage. Ça fait qu'une heure qu'elle est là. Ah, c'est vrai. Ouais. Alors, qui nous vient d'une Chantal Dion de Lavaltrie, qui va comme suit. Mme Latraverse... Ben qu'est-ce qu'il y a? Quand c'est Lavaltrie, habituellement, là, c'est pas vraiment haut. Vous allez voir, Mme Latraverse, oui. Vous êtes belle, vous êtes lumineuse. Oui. Par votre absence assumée de vos chirurgies et par vos beaux cheveux blancs, vous nous faites une sacrée belle ambassadrice à nous, les femmes d'expérience. Ben là, c'est tout. C'est un vrai courriel. Et il n'y a rien de méchant là-dedans. Mais c'est comme un peu une insulte, là. Non, c'est un compliment pour vous. C'est un compliment. Ah oui, OK, d'accord. Ça coûte pas cher. Ben non, juste, c'est bien. Vous êtes tellement belle. Vous êtes aussi belle que Louise Arel. C'est un compliment pour moi. Oui, je sais que c'est un compliment. Arrêtez. On adore, madame Arel. Hey, je vous rappelle qu'on revient après les nouvelles. Évidemment, on va tous les écouter ensemble. Hein. Oui, il faut. Chacune des régions a ses propres nouvelles. Aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Une belle mouture. Alors, on va l'écouter les nouvelles. Évidemment, au retour, on a le vu, pas vu. On est allé voir ou pas le show d'Emmanuel Latraverse. Et on retrouvera... Bilodeau. Ah oui, j'ai dit Latraverse. T'es obsédé par moi. Emmanuel Bilodeau. Et au retour, on aura Manon Massé pour venir nous parler. Dany, est-ce que vous restez la deuxième heure? Et pourquoi pas? OK, d'accord. Merci. On s'en va aux nouvelles et on revient dans une dizaine de minutes. Pour pour la deuxième heure de la soirée est encore jeune en compagnie d'Olivier Niquet, de Fred Savard, de Jean-Sébastien Girard, de Louise Latraverse. Je vous rappelle, un peu plus tard dans l'émission, on aura vu ou pas le One Manu Show d'Emmanuel Bilodeau. Oui. Hein, ça faut le dire. Sinon, est-ce qu'on a des réponses à notre question du jour, Olivier? On va la rappeler immédiatement. Oui, c'était dans quoi le gouvernement pourrait-il investir à part les Nordiques pour faire une passe de cash? Il y a plusieurs personnes qui nous disent qu'on devrait investir dans la culture du cannabis. Je ne sais pas ce que ça dit sur nos auditeurs. On a aussi Fabien Cloutier qui dit les expos. Hey, le baseball, c'est en train de mourir. Est-ce Fabien Cloutier? Ouais, ouais. Je pense qu'il devrait se concentrer sur le théâtre. Hein? Sinon, s'il y a Simon qui propose d'investir dans les petits colliers de billes de noisettier comme Marcel Leboeuf, et Gabi qui dit qu'il y a plein de veuves africaines qui cherchent justement à partager leur fortune avec quelqu'un ayant des capitaux pour payer les frais bancaires et douaniers, qu'on devrait investir là-dedans. J'en connais une aussi, moi. Ah oui? Tout à l'heure, j'ai dit qu'on était avec Louise Latraverse, avec Frédéric Savard, Jean-Sébastien Girard, bonjour, et Olivier Niquet, aussi avec Dany Saint-Pierre, qui va rester le reste de l'heure avec nous. On est désolé. Dany, quand même. écoutez, on vous le disait... ça me rappelle, la circulation. Oui. Envoyez des messages à Fred Savard. C'est tranquille. Moi, j'en ai deux, là. Il y a deux personnes qui nous ont écrit, mais si jamais vous êtes poigné quelque part, dites-nous-le. Je vous le dis, là, parce que Fred Savard est triste. Je suis capable de le voir dans son visage. Et franchement, juste une petite circulation au coin de votre rue. Non, c'est que j'ai mangé trois tanges ballonnées. C'est ça, la tristesse. Ouais, c'est ça. C'est le sel qui fait son chemin vers les reins. Voilà, voilà. Madame Latraverse, vous savez, on a 5 minutes à passer ensemble. Oh là, c'est beaucoup. Ça, c'est un 5 minutes à vous, hein. Oui. Et là, j'ai quand même lu vos chroniques récemment. Je me suis dit, de quoi il va vouloir nous parler? Est-ce que c'est votre vos cheveux blancs, votre non-utilisation de Botox, de votre voyage en Inde? Non, c'est de quoi vous voulez nous parler, Madame Latraverse? Ben moi, c'est parce que cette semaine, j'ai une nouvelle qui m'a bouleversée, c'est que le Doc Mayou... Ah, mon Dieu! Ouais. J'étais tellement contente. Tu sais qu'il y avait 5 ans, puis lui, il est revenu à 3 mois. Oui, c'est ça. Il y avait une radiation, hein, de 5 ans. Ça a été contesté et ça a été réajusté à 3 mois. Mais voilà. C'est pas une affaire ordinaire, là. Parce que présentement, là, moi, je me suis dit, en fond, qu'est-ce que le gouvernement a le plus besoin? Ouais. Certainement un autre club de hockey, puis des affaires comme ça. Mais... Je pense que le gouvernement, pour nos 3 docteurs, là, ils ont besoin d'un psychiatre. Ah, pensez-vous? Attends que le Doc Mayou, toi, passe une heure avec M. Couillard. Bon, mais tu sais que ça pourrait être intéressant. Non, Moi, je suis ouvert à tout. Hein. Je trouve que c'est une bonne idée, parce qu'il va falloir qu'il se trouve une job, là, ce pauvre docteur-là. Ah, ben, il va en avoir, voyons donc. Oui, parce qu'il reste encore quelques jugements. Hein. C'est pas sûr, je pense qu'il est complètement lavé. Mais là, lavé, tu sais ce que je veux dire? Non, il n'est pas propre, Mais bon, en tout cas, lavé, là, dans le sens juridique. Oui. Mais là, il va falloir y trouver un job. Bon, à peu près, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le Doc Mayou. Mais tu sais, c'est un choc. Mais vous, là, est-ce que vous le consulteriez, le Dr Mayou? N'importe quand. N'importe quand? Parce que je pourrais le soigner. Bon, on fait un appel à tous. Hein. S'il y a des gens qui connaissent le Dr Mayou, il y a Mme Latraverse qui a bien du temps entre ses traiteurs. Là. Hein? Elle cuisine pas, la madame. Non, je cuisine pas. Quoi d'autre? Ben, je voulais vous parler de mon traiteur, justement, parce que... Non, mais là, tu me regardes là, comme si j'étais une innocente, une espèce de snob. Oui, j'ai vu dans ton œil bleu, pâle. Snob, oui. Là, mais là, j'ai dit, coudon. Non, c'est pas pour ça. Parce que faut que je t'explique que ça me coûte beaucoup moins cher d'avoir un traiteur que d'aller faire mon marché au marché Jean Talon. Après ça, arrêter sur la rue Saint-Laurent. Après ça, arrêter chez les Polonais. Après ça, venir à la maison, couper tous ces maudits légumes-là. Après ça, mettre ça dans des petits sacs en plastique. Puis après ça, les oublier durant le temps de la semaine parce que j'ai pas le temps de tout faire ça. Donc, ce qui fait que je jette des choses. Ah. Moi, mon âme d'écologiste, là... Avez-vous une âme d'écologiste? Ben oui, regarde-moi. Vous êtes très économe du visage, il n'y a pas de doute là. Avez-vous vu l'écologiste en moi? Avez-vous des bacs de compost? Avez-vous le compost? Certain que j'ai un bac de compost. Moi, c'est ça que j'aime du compost. C'est fini la culpabilité de gaspiller. Moi, je m'envoie tout ça en compost, puis je sais que ça va revenir. Il y a même que des fois, j'en achète plus juste pour le compost. Pour nourrir votre petite bête. T'es gentil, mais en aucune façon. Mais je pense qu'il faut s'arrêter, là, puis s'énerver. On passe trop de temps dans la cuisine, mon ami. Oui, mais ça va faire mal à monsieur. Ah, non. Lui, il est là pour nous donner une demi-heure qu'il nous dit. Lui, on peut le suivre. Mais là, il reste, là, tu sais, avec les affaires de cuisinage compliquées. Il faut faire la différence entre une émission de service puis une émission contemplative aussi où on rêve. On rêve de saucisses. Rêvons de saucisses. Ça ne nous regarde pas. On va faire un appel. Est-ce que le panel est complet? Non, mais... À chacun sa poigne, hein, ceci dit. Ah, il faut rendre ça efficace. Mais c'est vrai qu'il faut rire, là. OK, oui. Mais pour le fun, là, oui, pour le traiteur, qu'est-ce qu'il fait chez vous? Je veux dire, comment ça fonctionne? Il vous apporte comme un troc de manger? Non, il arrive. Est-ce qu'il est propre de sa personne? Et oh, il est tellement beau, en plus. Est-ce qu'il cuisine pour vous? Oui, il cuisine pour moi. En direct? Il cuisine pour d'autres. Il arrive, tout est préparé. OK. Donc, je peux, pendant toute ma semaine, mes repas sont préparés. Je passe plus... Jamais plus qu'une demi-heure dans ma cuisine. Moi, j'ai cuisiné toute ma vie. Alors, voilà. Et je fais des économies. Peux-tu croire? Bien, j'ai de la difficulté à croire, mais c'est ce que vous me dites. Ben oui, bon. Ça me coûte moins cher. Donc, justement, voilà, c'est mon message très important. Thierry. On a reçu un courriel d'une certaine Nicole qui dit « Je suis allée voir sur le site du traiteur Thierry. Faut avoir les moyens. » Non, non, non, non. Alors, voulez-vous que je vous dise qu'on... Bon, là, on va régler le problème, là. Oui, oui, oui, oui. On va le régler, le problème. Oui, oui, ça me coûte pour toute ma semaine, quand tout est acheté, cuisiné, prêt, j'ai juste à m'asseoir, entre 125 $ et 150 $. C'est quand même pas la fin du monde. Non, c'est vrai, c'est mal. C'est 7 soirs, ça, pour une personne? Oui, pour une personne. Parce que quand il met... S'il met un plat, par exemple, qui est à, un plat qui est à 20 $, moi, je vais manger... deux fois, tu sais, ça va me durer au moins deux repas. Ah, mais vous avez des problèmes d'anorexie, c'est ça? Non, parle pour toi. Okay. Moi, j'ai un bon appétit. On attire le bon temps. Donc, je vous assure que ça me coûte moins cher. Ça, quand on regarde le prix, effectivement, mais c'est tout en petit, puis je rajoute un petit peu de riz. Parce que moi, par semaine, en compost, ça me coûte plus que ça. Oui, mais toi, t'es extravagant. Il est si bien assaisonné. J'assaisonne mon compost. Non, mais tu trouves que ça a du bon... C'est extravagant, ce que je te dis, ça ne me coûte pas mais plus moi, cher pas un bon que ça. Barème, là. Non, mais ça fait rien. Non, mais pour vrai, ça m'étonne. Je pense que c'était plus c'est que pas ça. Très cher pour une personne. Non, parce que tu prends une portion, ça fait. Normalement, c'est fait pour un homme. J'ai-tu l'air d'un homme? Non. Et alors, mon moi, ça fait non. deux. Donc, c'est tout. Vous êtes frêle, Madame Latraverse. Et puis, tu rajoutes un petit peu de riz, et puis voilà, la journée est faite. Est-ce que vous avez un autre sujet? Parce que là, il faut passer à d'autres choses. Non, mais là, le sujet, à part de parler de moi. Ah, mais c'est tout un ça, sujet, c'est plate, ça. C'est plate. Non, mais je voulais te parler de Denise Bombardier, parce que... Non, alors... alors parce que là, Denise Bombardier... Ah non, mais je suis venue pour ça, là. Je suis venue pour régler ce problème-là. Je t'ai vue à la télévision, là. Ben là, quand? Hey, quand la première fois qu'elle est venue, puis la deuxième fois, tu l'as invitée deux fois, je suis jamais allée à ton émission. T'es supposée m'aimer mais beaucoup. Faut faire on vient de la même ville. Oui, il faut faire l'actualité, oui. Madame Latraverse aussi. Puis là, je vais la faire, l'actualité. Attends un peu, là. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, je vais me déshabiller, je vais faire quelque chose. Non. Non, mais écoute-moi. Oui, je suis là. Je t'ai vu la paupière tomber. Oui. Je t'ai vu, là, tu sais, recouler. Elle me fait quelque chose. Je t'ai vu, mais qu'est-ce qu'elle te fait? Je peux pas décrire. Non, mais là, c'est presque... Moi, je suis venue ici, là, je t'ai gênée. Je me suis dit, comment... Tu me regardes pas comme ça. Mais c'est tes lunettes de soleil. Non, je les ai enlevées, puis il n'y a rien changé. Arrête. Mais est-ce qu'elle te paye, Denise Bombardier? Pour la regarder comme ça? Oui. Très peu. Mais c'est trop. Le message est passé. À partir de maintenant, vous êtes ma nouvelle amoureuse. Bon, OK, merci. Ça va? Ah oui. Ben, vous voyez comme on en règle des affaires en peu de temps. Je suis venue pour ça. Puis Denise, elle est tannée de toi, comme elle dit. Ah oui? Ah oui, elle dit, exagère. Il fait son cute comme ça, mais elle dit, non, je le crois pas. Vous me brisez le cœur. Non, je le savais, mais je suis contente. Allons voir s'il y a des chars dans la rue de bord. La circulation. On dirait que Jean-Sébastien s'applique moins, hein? Oui. Ben, je pense que c'est le ballonné, ça ramollit les chairs. C'est le sel. Les chairs du visage. Alors, Michel Cyr qui nous dit que la circulation est fluide dans Percé, aucune congestion dans la côte surprise, aucune attente à la traverse des fous de bassin. Alors, les gens qui voudraient emprunter la traverse des fous de bassin, je pense que la voie est libre. Jean Picard qui nous dit pour la circulation sur le rang des grands étangs de la présentation, il y a des chars de marde qui se promènent. Oh, ben oui, c'est le temps de l'épandage. Attendez. Attends, c'est le temps de l'épandage. C'est le temps de l'épandage. Ça sent pas bon, ça. Les légumes que votre traiteur achète, il faut que ça pousse. Et ça prend de l'épandage, Madame Latraverse. D'accord. Ça ne se fait pas tout seul. Je salue les gens de la présentation. C'est mon coin de pays, ça. C'est à côté de Saint-Hyacinthe. La présentation? Oui, la présentation à Saint-Hyacinthe. Il y a Geneviève qui dit que mon chat a vu passer une voiture sur la 4e avenue à Trois-Rivières et elle a eu peur. Écoutez, c'est une émission de service. Moi, je ne juge pas ce que les gens nous envoient. Non, mais c'est tout à fait. H. Poulain nous dit à Elgin, pas de trafic sur nos concessions et montées. Il me dit, le son de Géo, j'ai vérifié, Elgin, c'est dans le coin... en Haute-Montérégie, c'est pas loin de la rivière Châteauguay, pas loin de la frontière avec l'Ontario. L'Ontario, oui. Alors, on salue les gens là-bas. Catherine, il y a tellement de gens venus voir les couleurs à Saint-Adolphe-d'Howard qu'il y a de la circulation au village sur la 329. Les carrioles n'en sont pas la cause. Mais est-ce que c'est vraiment déjà le temps des couleurs? Oui, c'est commencé. C'est commencé. Plus dans le nord, oui, pas à Montréal, évidemment. Là, ici, c'est tout est gris. Parce que ma fougère, chez nous, elle est encore très verte. Ah oui, hein? Oui. C'est parce que vous faites de l'épandage, vous aussi. Voilà. Fred, j'aurais une question. Moi, demain, c'est le marathon de Montréal. Oui. Comment je fais pour m'en venir au Helm? Je vous dirais de venir en jogging, c'est la meilleure façon. Merci. Non, j'ai pas vérifié ça, mais oui, les rues sont bloquées, alors les gens vont être pas contents, mais que voulez-vous? Est-ce qu'on va avoir des gens dans le public? Au pire, vous nous écouterez à la maison, quand même. Il va être rendu 17h, le marathon va être fini. En tout cas, ceux qui n'ont pas fini le marathon à 17h, là, pas fort. Pas fort. Ben merci, Fred. Est-ce qu'on invite notre deuxième invité de la soirée? Oui. Encore une fois. Députée de Québec solidaire dans la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques, on pensait qu'elle avait disparu depuis la dernière campagne électorale. Accueillons Mme Manon Massé! C'est un grand bonheur de recevoir Manon Massé, une amie de l'émission. Oui. On a quelques politiciens amis de l'émission. On a Robert Poëti. François Bonnardel. On a Raymond Bachand. Oui. On a... il n'est pas venu encore cette année, mais... Raymond Bachand? Oui. Non, mais il est en retraite, Raymond. Oui. Franchement, oui. Donnons-lui un petit break. Oui. Et on a Manon Massé, évidemment. Manon, comment allez-vous? J'espère que lui, il a une retraite, par exemple. Ben, je le lui souhaite. Hein. Mais il y a des actuaires qui ont faut qu'on calcule ça pour lui. Ça va très bien. Ça fait tellement longtemps que vous ne m'aviez pas invité. C'est vrai. Mais on savait même plus que vous existiez à Québec solidaire. Comment ça? Ben, tout ce qu'on faisait, c'est qu'on lisait vos communiqués, mais on vous entendait pas. Vous n'avez pas pris des grosses vacances. Franchement, les gars, vous n'écoutez pas le canal. Non. Vous n'écoutez pas le canal de l'Assemblée nationale. C'est le seul média qui nous check. Madame Massé. Là, trop long avant de poser vos questions. Là, c'est fini. J'ai même plus de popcorn. Ça se peut pas. Voulez-vous que je vous dise... On a gagné 3 par 2 semaines et demie, franchement. Attention, on va penser qu'elle est intimidée. Voulez-vous que je vous dise, Madame Massé, je pense que vous vous êtes fait élire. Vous avez ramassé l'argent. Vous vous êtes dit, le premier été payé avec des vacances, peux-tu vous dire que je m'en vais? Ah, c'est ça que c'est passé? Soyez honnête. Honnêtement, j'ai pas eu de vacances, très peu de vacances, parce que c'est une nouvelle job, puis comme toute nouvelle job, ben, on y va avec enthousiasme, puis l'été, je sais pas pourquoi, les citoyens et citoyennes organisent plein d'affaires, puis moi, j'aimais ça, aller à leur rencontre, j'ai eu bien du fun. Mais maintenant, je vous ai vu cet été, vous m'avez pas vu, j'étais dans ma voiture sur Notre-Dame, vous aviez l'air d'une itinérante. Vous boitiez, vous aviez... vous aviez des béquilles, des cannes, il y avait quelqu'un qui vous soutenait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dur, le métier de député. Mais est-ce que c'est vrai, ça? Ben oui, c'est vrai. Pendant 3 semaines, hein, ben à choper sur Notre-Dame. Ouais. Notre-Dame, OK. Pas loin de Radio-Canada. Ça paye plus, c'est là. T'as la lumière c'était rouge. L'accessibilité. Très accessible. Vous êtes blessé, quoi? Ben oui, je me suis blessé. Qu'est-ce que vous voulez, les voyages de pêche que ça fait? Hein? C'est un voyage de pêche? Avec Arthur Porter? Pas du tout. Avec mon oncle. Bon. Mais c'était pas Arvida. Ah non, OK, non. D'accord. Mais vous avez un nom, c'est intéressant. Je regardais sur le site web de votre parti, de Québec solidaire, évidemment, et c'est écrit en une, « L'austérité n'est pas une fatalité. Québec solidaire est le seul parti qui propose une alternative. » C'est quoi cette alternative-là? Dans le fond, l'austérité, vous savez, hein, on en parle beaucoup de ce temps-là parce qu'on voit les effets directs. C'est nécessaire. On en reparlera. Okay. Et l'austérité... C'est un train qu'on a pogné il y a maintenant une vingtaine d'années, hein, sous Bouchard. Ouais. On arrête, on baisse les impôts, puis tout d'un coup, on dit, oh mon Dieu, on n'a pas assez d'argent pour payer tout ce qu'on veut, puis ce qu'on s'est donné collectivement, et là, on se met à couper des services. Fait que de ce train-là, on est rendu à une étape fondamentale qui est plutôt un TGV, où là, en l'espace de 4 semaines, tu te dis, ben, coudonc, le Québec est reviré complètement à l'envers. Puis l'alternative, nous autres, qu'on met de l'avant, c'est juste d'arrêter de regarder la colonne des dépenses. Ça fait plusieurs années, là, depuis 80, début 2000, qu'on regarde la colonne des dépenses. On peut-tu commencer à regarder la colonne des rentrées d'argent? Puis dans ce sens-là, le gouvernement, il veut pas nous entendre, là, Philippe. Bien, vous êtes pas beaucoup. Mais Non, mais tu pourrais dire, tu sais, aller chercher de l'argent, par exemple, aux banques qui font... Je n'ai pas d'opinion là-dessus, moi. Ah, non? Non, mais... Combien d'intérêt? Pas d'intérêt, mais à chaque fois que tu vas dans une transaction, là? Ça te coûte combien, ça? Moi, je ne vis que de troc. Ah! Ben ouais. Tu troques ton compost, lis ça tantôt. Absolument. Je ne vis que de troc. Non, mais on rit bien, là. Mais le système public, quoi, c'est ça? Les services publics, quoi. On rit bien, là. Ouais, ouais. Mais ça va pas bien, quand même. Le Québec est en dette. Mais est en dette. Il faut régler des trucs. Il faut couper des dépenses. Mais c'est vrai, ça. Ben, écoutez, cette dette-là, là, ce qui est intéressant, c'est comme si actuellement, on essayait on rembourse notre hypothèque avant de payer notre épicerie. T'sais? Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Là. quand tu as un revenu X, ouais, tu le dépenses à, bien sûr, assumer tes besoins de base. Puis nos besoins de base, dans un modèle comme moi auquel je tiens, là, c'est un modèle où la culture, c'est important, où l'éducation, c'est important, la santé, tout notre système, tout ce qu'on s'est donné collectivement pour répartir cette richesse-là, il faut le maintenir. Mais si systématiquement on baisse les impôts, on fait en sorte que les revenus que l'État pourrait se mettre dans notre portefeuille collectif, on ne va pas le chercher, bien, on coupe, puis c'est tout. Mais attendez un peu, l'austérité, ce n'est pas juste couper non plus, parce qu'il y a de la restructuration là-dedans. Est-ce que le système de santé, puis évidemment, il y a Amir Kadir qui n'était pas très d'accord avec la restructure du système de santé, mais est-ce que le système de santé n'est pas trop lourd? On ne peut pas nier qu'il est lourd, le système absolument, de santé. Bon. Absolument, la réingénierie de Charest a fait juste créer de la structure, et il y a des choses à changer là-dedans. Le défi, c'est que là, on centralise, c'est-à-dire qu'on enlève... sans trop regarder comment, ou le comment vient par en haut et pas par en bas, mm-hmm, on enlève aux régions la possibilité de définir ensemble c'est quoi leurs besoins, vers où il faut investir les agences de santé. Ben, c'est que Philippe Couillard avait créé il y a 3 ans, c'est ça qui est étonnant? Un petit peu plus que 3 ans, là. Oh, oui, 2004. Ça, c'était sa première réingénierie, là, qu'ils ont bien essayé. Ouais. Mais l'enjeu, c'est quand on s'attaque aux services publics, c'est à la répartition de la richesse. Parce que quand on s'attaque, on coupe des jobs. On coupe des jobs, on va en couper partout à travers le pays. Quand on se désengage, par exemple, l'autre ballon, là, mais c'est même pas, c'est une montgolfière dans ce cas-là, toute la question de l'éducation. Oui. Tu sais, les commissions scolaires, on va dire, on coupe les commissions scolaires. C'est de la structure. Hier, Paul Gérin-Lajoie était avec moi. Ça fait bien ensemble. Ben oui, hein, ça. Ah, oui, vraiment. On se pète les photos. J'ai des photos. Pour prouver. Est-ce qu'il va bien? Il va bien. Du haut de ses 94 ans, ce qui était extraordinaire, c'est qu'il était encore à redire que l'éducation, les réformes de structure, ça donne rien. Ce qu'il faut, c'est se mettre au service des enfants et arrêter de voir l'éducation, la santé et autre chose comme deux colonnes de chiffres. Mais vous faites pas confiance en Yves Bolduc pour s'occuper des enfants? C'est sûr que c'est inquiétant, c'est sûr que... mais moi, c'est tout le gouvernement que je fais pas confiance en matière de services publics. Mais c'est enlève une tête, puis l'autre tête qui va repousser va aller dans le même sens. Mais on peut pas nier quand même que le Parti libéral s'est mis au travail depuis qu'il est revenu. Ah oui. Ça, je dis, TGV, pas électrifié en pétrole, par exemple. TGV, pétrole. Ah, c'est tout le temps une affaire de pétrole avec vous autres. Est-ce qu'on était mieux avec le PQ? Si on était mieux avec le PQ. Si on était mieux. On était mieux. Ah, j'ai compris, ami. Mais oui. Qui est ami avec le PQ de ces jours-ci? Ce qui est vraiment particulier, Jean-Sébastien, c'est que ce qu'on regarde, c'est plusieurs éléments qu'on voit là étaient déjà enracinés dans la vision que portaient aussi les gens des finances du PQ, qui étaient enracinés dans la vision que portaient les finances des libéraux avant eux autres. Comprends, c'est ça l'idée, c'est que on ne cesse d'aller dans le sens de l'austérité, et ça, c'est s'en prendre au peuple. Puis moi, je suis écœurée de ça. J'ai envie qu'on regarde pourquoi la négociation de médicaments, on le fait pas. Combien de milliards on a perdu depuis 10 ans? C'est 1,2 milliard par année parce que le gouvernement n'ose pas négocier les médicaments dans le système de santé. Ça, c'est écœurant. Ça, on le dit pas. Ça, on le nomme pas. On aime mieux opposer les retraités des services municipaux aux gens qui n'ont pas de régime de retraite. Mais pourquoi on se dit pas qu'on améliore notre régime collectif de retraite au lieu de toujours s'opposer les uns les autres? Mais en même temps, il y a un sentiment d'urgence là, que le Parti québécois avait aussi ressenti et que le Parti libéral est en train de mettre en application. Est-ce que c'est si mal que ça de juste... Ah, tout de suite, là, on restructure la patente, puis après ça, on pourra, quand on aura économisé cet argent-là, refaire une structure plus solide. La dernière restructuration n'a prouvé en rien que ce qu'on améliorait, c'était le service aux personnes. Ça ne l'a pas prouvé, on a multiplié le nombre de cadres. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Et là, je le répète, ce qui est dangereux, c'est qu'il va y avoir une centralisation. Vous avez vu une négociation. D'ailleurs, Fred, tantôt, je me disais, est-ce qu'on demande à Barrette, tu sais, dans ton jeu tantôt, c'était quoi? Est-ce qu'on demande aux musulmans de dénoncer? Est-ce qu'on demande à Barrette de dénoncer un médecin spécialiste? C'est vrai. Non. C'est vrai. Bon, ben lâchez-moi ça. Oui. Alors, donc, oui, il y a du travail à faire, mais il faut juste qu'on comprenne. Ils nous départissent de la compréhension des choses. Et une fois à croire que, dans le fond, si ça arrive d'en haut, s'il y a une centralisation, ça va aller mieux. Et moi, quand je regarde à travers le monde, c'est pas ça que ça donne. Bien, il y a Françoise David qui a dit craindre une révolte sociale, surtout avec les manifestations qu'il y a eu pour le projet de loi 3. Elle n'est pas très solide, hein, la révolte sociale, par exemple, je trouve, personnellement. Je veux pas... Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'actuellement, je ne sais pas autour de vous autres, je ne sais pas vous autres même d'ailleurs, les gars, ça pète tellement de partout, là. Ben ça dépend. Ça dépend ce qu'on mange. Moi, j'entends Jean-Philippe, c'est autour de moi, franchement, ça a l'air de bien aller, là. Que moi, je pense que là, le monde sont en train de prendre conscience de ce qui est en train d'aller. Mais vraiment, parce que... Je sais pas vous, je sais pas les gens à la maison ou les gens à la salle. Je sens pas que c'est sur le bord de péter. Louise Latraverse, vous, là, est-ce que vous pétez beaucoup? Ben, ça dépend de votre état, évidemment. Non, mais sois poli avec moi, là. Tu penses pas. Non, mais est-ce que vous non, sentez mais tu que ça... sais bien que un jour, c'est l'eau qui dort, là. Mais ça va éclater. Vous pensez ça aussi? Oui, parce qu'on est lent, les Québécois. Ça va nous prendre du temps avant de bouger. Mais à un moment donné, là, les gens vont se révolter. J'en suis sûre, parce que j'en ai connu des périodes comme ça, moi. Et tout à coup, les gens vont se mettre ensemble. Et puis, tu sais, l'imagination au pouvoir va revenir. Tu peux pas passer. Ah, c'est comme la Grèce. Ça a pas fait tu coupes, t'arrêtes, tu coupes. Il faut que tu crées de l'emploi. Voilà. Il faut peut-être de l'imagination. Voilà. Ça va aller mal parce que les gens vont se révolter. Mais moi, première, je vais aller dans la rue, puis tu vas venir aller te chercher. Ben oui, vous savez où ce que j'habite, hein? Ben oui, bon, juste à côté. Ben, mais les gens se sont révoltés. Non, mais si vous voulez Les gens se sont révoltés en 2012, mais il restait quoi de ça aujourd'hui? Attends. On avait l'impression que c'est le point de départ d'un nouveau monde, mais... Ça fait rien, ça prend peut-être 2, 3, 4 fois pour y arriver. Est-ce qu'on va ressortir une deuxième, une troisième fois, ou on va se dire, bof, ça n'a rien donné la première fois, on va rester à la maison? Moi, bien sûr qu'on peut recommencer les choses, on l'a pas toujours la première fois, mais il est évident que les gens vont se révolter. On ne peut pas accepter qu'on ferme tous les conservatoires, puis qu'on ferme les garderies, puis qu'on n'a plus d'aide aux devoirs, puis voyons donc, on n'est pas des on va se révolter. Puis qu'on ait la prétention qu'on va créer 250 000 emplois dans le plan Nord. Bien, si tu fais la balance, là, 250 000 contre tout ce qui va se couper, ce ne sera pas beau. Est-ce qu'on va sortir? Moi, je pense qu'il faut qu'on se donne le droit de sortir. Il faut arrêter de croire les économistes. Il faut arrêter de croire que la dette, c'est urgent. Tu es content de payer ta maison sur 25 ans? Bien, pourquoi nos infrastructures qui nous appartiennent collectivement, faudrait mettre ça au compte comme si on les avait payées la première année? Je serais curieux d'entendre Dany Saint-Pierre là-dessus. Je suis désolé d'envoyer ça comme ça, mais je serais vraiment curieux d'entendre Dany Saint-Pierre juste là-dessus. La mortadelle, je pense que mon souper est en train de brûler. Non, moi, je pense qu'il faut se demander, on parle de couper, mais on ne sait pas quel est le travail de chaque personne. T'sais, on parle de structures qui sont vraiment lourdes, puis c'est vrai que recenser ce travail-là, de comprendre pourquoi c'est important que toutes ces personnes soient là. Moi, c'est ça que je me demande. Moi, j'ai une entreprise, je suis un entrepreneur, j'ai une cinquantaine d'employés. Je sais pas mal comment ça se passe chez nous. Mais quand on regarde ces grandes tours-là, je me demande où s'en va le fric. Ouais. Je me le demande sincèrement parce que je le paye en calvaire. Mais c'est vrai, ça. Mais ça, je peux comprendre. Mais pourquoi on s'en prend au monde? Pourquoi on se retourne pas de bord et dire comment se fait qu'on négocie pas les médicaments? Comment se fait que nos redevances minières s'en vont dans les poches d'ailleurs? Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais après ça, il y a la structure pour se demander comment sont gérés ces gens-là. Absolument. Qui coûtent de l'argent, puis où est-ce que s'en va cet argent-là? Moi, ça m'inquiète. Mais peut-être que l'administration, il y en a trop, puis que c'est ça qui ça vaut la peine de se poser la question. Qui étouffe le système. Mais ça, on n'en parle pas. Mais quand on va dans les domaines où les gens sont fragiles, quand tu vas chez les aînés, moi, par exemple... Est-ce que vous êtes une aînée? Ah, ben, une aînée, moi. Vous avez l'air fragile. Mais oui. Vous êtes une force. Et puis, il y a les enfants. Et quand tu vas jouer dans cette halle-là, attention, parce que ça, c'est dangereux. Ouais. Et puis, ça ne va pas... Tout ne va pas se régler comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont à vouloir gagner? Les Olympiques du déficit zéro. Exactement. Qu'est-ce que c'est? C'est le fun d'un trophée, quand même. Mais quand c'est au prix de ta population, quand c'est au prix... Parce que quand tu dis ça, Dany, je te comprends, puis oui, il faut le regarder. Mais quand ça part d'en haut pour centraliser, pour moi, c'est jamais un bon regard. Il faut que l'effort soit constant, puis à chaque palier. Pas de trouble là-dessus, puis je redis que de la structurite dans le système de santé, il y en a eu. Tout à fait. Mais ceci étant dit, si on le fait pas dans la perspective que ça retourne en service, le gouvernement, le dit déjà, quand on va avoir atteint en TGV le déficit zéro, on va faire une baisse d'impôts. On va encore se priver de revenus. Je pense pas qu'on va être capable de faire ça. En tout cas, si les gens sortent dans la rue, en terminant, ils vont l'avoir Jean-Philippe avec vous, là, amener un tapis rouge. Lui, il sort juste quand il y a un tapis rouge. Et des photographes. Hein? Et des photographes. Ça, merci beaucoup. Hey, on a-tu été sérieux? On n'a pas été sérieux franchement. Sinon, merci beaucoup, Manon sérieux, Massé. C'est sérieux, on est en train de se faire avoir. Ben voyons donc. Moi, vous restez avec nous, Manon Massé? Ben oui, absolument. Hey, écoute, on a une belle tablée quand même. Franchement. Deux personnes avec les cheveux blancs, trois avec Fred. OK. On s'en va au pub pour payer notre salaire. Ça va beaucoup trop loin. Et on revient dans quelques instants. Je veux aller à New York. Mais Je veux faire comme Stephen Harper et ne pas aller à une réunion importante sur le climat. Je vais annoncer des choses importantes aux Canadiens à 600 km du Parlement avec pas de débat. Comment c'est possible? Mon hôtel, Trip d'Ego. Je vais aller à New York. Je vais faire comme Philippe Couillard et essayer de faire venir les investisseurs américains. Je vais les rassurer en leur disant que les finances publiques ne sont pas si pires, même si je dis l'inverse aux Québécois. Comment c'est possible de faire venir les investisseurs? En leur demandant pas d'impôts. Je veux aller à... La soirée est encore jeune! Comment c'est possible? En réservant ma place au radio-canada.ca/la-soirée! Oh mon Dieu! Mais c'est non, oui, ben oui. Oui, mais c'est parce que c'est les spectacles au Canada. Vous savez que Fred nous recense les meilleurs endroits où aller écouter de la bonne musique chaque semaine ben, au la Canada. La bonne musique, pas toujours, mais émission de service. Ce soir, il y a Art Garfunkel qui sera au Burton Cummings Theater de Winnipeg. C'est plus le même depuis Paul. Hein? Non, pour ceux qui l'ignorent, il formait un duo avec Paul Simon dans les années 60. C'est un peu le Bertrand de Jim et Bertrand, en quelque sorte. Alors, ce soir également, il y a, ça c'est drôle, il y a Burton Cummings qui sera en spectacle, mais pas dans la salle qui porte son nom. La vie est ingrate. Il sera plutôt au River Rock Casino Resort de Richmond, en Colombie-Britannique. C'est l'ancien soliste de Guess Who. Ah oui, oui. Alors, à travers, vous savez, vous vous rappelez de Guess Who? American Woman? Mais, vous savez? These eyes. Non, mais je suis pas capable. Il va y avoir également, jeudi, Robert Plant and the Sensational Space Shifters qui seront au Massey Hall à Toronto. Ça, c'est l'ancien chanteur des Honey Drippers et accessoirement de Led Zeppelin. Led Zeppelin. Ah. Toujours en forme, paraît-il, avec sa voix copiée sur celle du regretté Steve Marriott pour les amateurs de Small Faces. J'en perds beaucoup, mais c'est pas grave, c'est très bon, les Small Faces. Vendredi, les Misfits seront au Rockpile East de Toronto. Légende du punk rock, le groupe tient son nom du classique du cinéma américain du même nom du réalisateur John Huston, mettant en vedette Marilyn Monroe. À noter que Glenn Danzig, le chanteur, n'est plus dans le groupe, un des hommes les plus beaux de l'univers, selon Glenn Danzig. Et en terminant, à l'amphithéâtre Vidéotron, c'est assez particulier cette semaine puisqu'on présente le groupe hommage Selling Limoilou by the Pound. C'est un groupe hommage à Musical Box qui lui-même est un groupe hommage à Genesis. C'est pas vrai ça. Alors, c'est une belle mise en abîme. Et pour ma part, je vous invite à tendre l'oreille à la prochaine chanson que je vous présente du nouvel album de Salomé Leclerc, 27 fois l'horreur, qui est sorti mardi dernier. Un album sublime réalisé par le tout aussi excellent Philippe B. La pièce s'appelle Vers le Sud. Ne vous y trompez pas, c'est un album tout à fait automnal. C'est vraiment un album à se procurer, Salomé Leclerc. Génial. Alors, on écoute Vers le Sud de Salomé Leclerc sur Ici FM. Whoopé. Fred Savard, vous aviez fait une demande lors de votre chronique sur des désodeurs. Non, mais Mme Latraverse qui a fait des cours d'addiction va nous dire. Comment? Désolidarisation. On avait demandé aux gens. Désolidarisation. Manon Massé, évidemment, est capable de le prononcer. Ben oui. Elle fait ça de sa journée. Ben oui. En fait, c'est un prérequis pour entrer à Québec solidaire. Oui, alors, on a demandé aux gens de nous proposer des désolidarisations. Et justement, il y a Jérôme L. Boucher qui demande si l'humus se dissocie de Québec solidaire et fait dire qu'il est vraiment tanné d'être associé à cette gang de gauchistes-là. Éric Rivard qui nous écrit « Désolidarisez-vous de Vautier », il me parle à moi, vous pourrez ainsi enfin avoir le champ libre pour une émission constructive. Bravo! Chapeau les auditeurs, de beaux commentaires. Si vous saviez. Francis Monette, vous devriez vous dissocier du mot désolidarisation pour l'amour de votre bouche. Et Jean-Olivier Thibault, tous les amateurs de mise en forme doivent-ils se désolidariser des douchebags? Bonne question. Ah, ça, c'est une très bonne question. Merci, chers auditeurs. Ben oui, merci, merci, mais hein. Et on va aller au sport avec Olivier, question de se désolidariser de cette émission-là. Alors, dans le merveilleux monde des sports, Olivier? D'abord, au football universitaire, les Carabins ont gagné 47-0, les Stingers 63-7 et le Rouge et Or 70-3. Belle parité dans ce match. C'est exactement ce que je me disais. Ça n'a pas de bon sens. L'Impact affronte ce soir le crew de Columbus à Columbus. On va suivre ça avec intérêt. D'ailleurs, j'ai reçu un courriel cette semaine d'un auditeur qui aimerait que je sois plus gentil avec l'Impact. Je le cite. « En tant que serviteur public, vous avez la responsabilité de contribuer à faire connaître et apprécier ce club. Je voudrais juste dire qu'en tant qu'expert sportif amateur, je n'ai pas le droit d'avoir de parti pris. » Ça, c'est vrai. « Je ne fais que rapporter les résultats, les faits. » C'est clair? Bon. Maintenant, on va parler de la meilleure équipe du monde, Canadien. Ils jouaient hier au Colisée de Québec, pas le nouveau Colisée, l'ancien, contre l'Avalanche du Colorado, victoire de 3-2. Ils ont maintenant une fiche parfaite en match hors concours qui ne veulent rien dire, alors chapeau. Mais c'était quand même le retour du hockey cette semaine, du vrai hockey qui passe à TV. Ouais. Et mon fait saillant, c'est la nouvelle teinture de Pierre Houde qui décrit les matchs à RDS. Franchement, c'est à s'y méprendre. Si j'avais pas une télé HD, je m'en serais peut-être même pas rendu compte avant le premier entracte. Ah, c'est vrai, hein? Sinon, j'ai regardé les points de presse des entraîneurs cette semaine et comme on n'entend pas les questions des journalistes parce que de toute façon, ils donnent la réponse dans leurs questions, mais je me suis dit que je pourrais m'amuser à les imaginer. Alors, Patrick Roy, est-ce que le défenseur Nick Holden t'a très bien surpris? Un joueur qui nous a très bien surpris puis qui connaît vraiment là, un bon camp d'entraînement aussi présentement. Ça, c'est drôle. Très bien, très bien. Michel Therrien, les journées de repos, est-ce que ce sont des journées qui sont importantes? C'est des journées qui sont importantes pour notre équipe. C'est bien ce que je pensais. Sinon, Michel, Michael Bournival, là, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il a dicté l'allure de s'il était pour commencer à Montréal? C'est ses performances qui ont fait en sorte qu'il a dicté l'allure s'il était pour commencer l'année ou pas. Ah, c'est performance, c'est clair. Et au niveau de voir si les joueurs sont au niveau? Il reste encore beaucoup de temps pour ces joueurs-là pour se donner la chance de s'exprimer au niveau de voir s'ils sont prêts au niveau de la Ligue nationale ou pas. Bon, ça fait beaucoup de niveaux, ça. Et finalement, le petit Sherbak, là, mon Michel, il est-tu doué à quelque chose? Il est doué à un très bel avenir, qui est très encourageant pour nous, l'organisation. OK, doué à un très bel avenir, mais tu ne peux pas demander mieux, hein? Je pense que le Canadien est doué à une très belle saison. Sinon, ce soir, il y a le premier combat de Stéphane Ouellet depuis 10 ans. Il affrontera le Belge Cédric Spera. Il a annoncé qu'il allait dédier son combat à Gilles Latulippe, imaginez-vous donc. Alors, ça risque d'être une belle grosse joke. Mais j'ai quand même confiance en Ouellet parce qu'il a dit, je le cite, « Je veux maximiser ça au maximum. » Alors, je prédis un KO au quatrième round pour Ouellet. Est-ce que vous connaissez la boxe? Pas du tout. OK. En terminant, j'aimerais quand même inaugurer une nouvelle section dans mon blog sport, un genre de toast et café du Journal de Montréal 2.0. Tu sais, c'était écrit là, en majuscule, en italique. Est-ce qu'il fait encore ça? Ben, en fait, c'est Roger Brulotte qui a remplacé ça maintenant, qui parle de toutes sortes d'exploits sportifs. Ah, d'ailleurs, si vous avez des exploits à le souligner ou si vous voulez souligner le courage d'un sportif amateur de par chez vous, vous nous écrivez et vous courez la chance de passer à radio. Par exemple, ce matin, Roger, lui, il soulignait les 60 ans du club de gymnastique masculine du Centre Père Sablon. Alors, bravo, on leur souhaite encore plein de pirouettes. Sinon, moi, j'aimerais donner l'exemple et j'aimerais féliciter le gars dans ma ligne de garage contre qui j'ai joué cette semaine, qui, après le deuxième but de son équipe dans un match tout à fait amical entre gars qui ne savent pas vraiment jouer, est passé devant notre banc et nous a crié « T'aime et taban » de la haine, avec la haine dans son regard. Ouais. Alors, c'est avec des exploits comme ça que l'humanité se révèle dans toute sa grandeur. La pensée de Michel Baudry, toujours? Oui. Je vous en prie. Entendu à Jonquière, Adonis n'est peut-être pas musulman, mais hijab en sacrament. Oh, Jonquière, je ne sais pas ce que Jonquière fait là-dedans, mais en tout cas. Ben oui, hein. Est-ce que vous avez déjà rencontré Adonis à Jonquière, Louise Latraverse? Non, je ne le connais pas personnellement. Vous avez quitté la région, vous aviez quel âge? Oh mon Dieu, ça fait tellement longtemps, je m'en souviens plus. Ça fait pitié des fois. Hein. 18 ans j'avais. 18 ans! Ah mon Dieu, mais c'est en 80! Ah, oh, c'est hier! C'était un petit cadeau que je vous fais, là. Je pense que c'est le truc pour réussir, hein. Quitter la région. C'est pas qu'il faut quitter la région. On en parle beaucoup depuis de... Ah, ça vous venait de là, vous aussi? Ben oui, Arvida! Ah! Ben oui! Ça va pas, j'ai pas lu votre bio. Non, mais... je vais l'écrire bientôt parce que lui, il fait juste inviter Denise Bombardier parce qu'elle écrit des livres. Que je vais écrire mon livre. Ben faites un dictionnaire amoureux, puis on vous invitera. Vas-tu m'inviter? Ben si vous désécrivez un livre. Ben, va l'écrire certain. Êtes-vous capable d'écrire un livre? Ben certain, je suis capable. Un écrivain, elle. Sur quoi? Je suis capable, moi. Sur quoi? Ben sur... Votre pot de teinture, c'est passé, là. C'est pas suffisant, là, Louise Latraverse. Il va falloir que ça soit plus intéressant que ce que vous mettez sur Twitter aussi, là. Non. C'est pas intéressant ce que je mets sur Twitter. C'est une blague. J'adore vous suivre sur Twitter. Non, c'est aussi bien d'être gentil avec toi, j'espère, parce que j'ai été bien fin quand t'étais petit. Je vous adore. Mais je ne vais plus souvent... J'y vais plus tellement sur Twitter maintenant. Je vais plus sur Facebook. À part sur m'insulter à cause de ma barbe, hein. J'ai remarqué ça. Enfin, non, c'est pas très grave. Je voulais t'en parler tout à l'heure. Est-ce que j'ai le temps? Le temps fait... Non, je suis désolé. Je suis franchement désolé. Peut-être à la fin de l'émission, s'il nous reste du temps. C'est le moment de l'émission, c'est le moment de notre segment légendaire, le préféré de semaine en semaine à l'émission. Oui. Et non, ce n'est pas la chronique de Fred. Vous êtes bon deuxième, Fred. C'est le vu pas vu, ce moment de l'émission où deux personnes débattent d'un truc qu'ils ont vu ou pas, et où tout le reste du plateau et des auditeurs à la maison et dans le bar, évidemment, doivent déterminer encore une fois. Qui a décidé de nous bullshitter en pleine face? Effectivement, cette semaine, le premier one-man show d'Emmanuel Bilodeau, dont la première avait lieu jeudi soir au Monument National. Et c'est Fred Savard et Jean-Sébastien Girard qui l'ont vu ou pas. Et moi, j'ajoute une difficulté cette semaine, je vous le dis tout de suite. On enregistrait Deux Hommes en Or au Monument National le jeudi soir, ce même jeudi soir-là. Donc, au moment de la première d'Emmanuel Bilodeau. Donc, j'ai aperçu la personne de notre plateau qui allait voir la première. Donc, ce show-là. Alors, je sais c'est qui. Heureusement, il s'était caché derrière un genre de petit masque ouais. qu'on remettait à l'entrée, à l'effigie d'Emmanuel Bilodeau, où on ne pouvait voir que le nez. Hein? Alors, j'ai reconnu le nez. Ça vous donne un indice. Et... Mais évidemment, je jouerai le jeu pour vous mélanger doublement, cher public. Et on commence le débat, ou en fait la critique de ce vu pas vu avec le premier One Manu Show. Et je donne la parole à Jean-Sébastien Girard. Ouais, mais vous le soulignez, en fait, on avait l'impression d'être au Ice Capade parce qu'il y avait plein de produits dérivés qu'on vendait justement, cette espèce de visage d'Emmanuel Bilodeau avec un trou. Et on pouvait acheter son nez en plastique dans la boutique et ça coûtait 3 $. Donc, une espèce de c'était tapis 5 $ rouge. Mais bon. 5 $. Ouais. Bon, je suis pas bien bon dans les chiffres. Alors, Effectivement, gros tapis rouge, production J, donc plein de vedettes de Star Academy et de La Voix dans la salle. Un spectacle qu'on attend depuis très longtemps. J'ai l'impression qu'Emmanuel Bilodeau nous parle de ce spectacle-là depuis à peu près 20 années et qu'il rôde depuis 10 ans. Rode. Et donc, rôde. Ouais. Ah, mais je pense que. Rôder, c'est un autre verbe. Ah, ouais, hein? Mais il rôde autour du Monument National depuis une dizaine d'années pour ce voilà. show-là. Ouais, donc, on le sait, il l'a répété souvent en entrevue. Le point de départ de sa carrière d'humoriste, en fait, est arrivé dans le cadre d'un numéro qu'il a présenté au Festival Juste pour Rire en 2011. J'étais là comme spectateur. Je faisais une critique pour. Cette fois-là, vous étiez. Pardon? Cette fois-là, vous y étiez. Oui, exactement. J'étais assis à droite. Okay. Et. C'était un gala qui était animé par Laurent Paquin, un gala interminable, Jean-Philippe, pour vrai, que j'ai trouvé vraiment plate. Et j'ai vu le numéro d'Emmanuel Bilodeau qui est arrivé avec ce personnage qui nous fait un discours politique souverainiste. Il se transforme Tony, physiquement. Ouais. Non, c'est pas la même chose. Oh! Ce n'est pas la même chose. Wow. Donc, c'est l'espèce de personnage qui se transforme physiquement, vocalement, pour devenir René Lévesque à la fin. Et quand j'ai vu ce numéro-là au festival, je me suis dit, ah, OK, voilà l'humoriste dont on a besoin, quelqu'un qui va savoir incarner des personnages, quelqu'un qui va avoir une espèce d'humour à la fois drôle, un peu fantaisiste, mais également pamphlétaire, mais tout en étant drôle, ce qui n'est pas évident de combiner ces deux types d'humour. On ne peut pas tous être Fred Savard. Exactement. Oh. C'est très gentil. Or, je dois dire que je ne sais pas ce qui s'est passé, Jean-Philippe, entre ce numéro-là et la première du spectacle, parce que tout ce que j'attendais de ce spectacle-là n'est pas là dans ce spectacle-là. Arrêtez donc. Et pour vrai, j'adore Emmanuel Bilodeau, ça me fait un peu de peine de le dire, mais c'est vrai, ça me fait beaucoup de peine. J'ai l'impression qu'entre ce numéro-là et le spectacle, il a pris le ton, il est embarqué dans l'espèce de machine humoriste pour laquelle je ne suis pas à la base un grand fan, avec des thèmes très consensuel. Ouais. Par exemple? Avec beaucoup. Il y en a plein, par exemple. La famille. Ouais. On parle beaucoup de la famille. On parle beaucoup d'anecdotes. Son magasinage au Costco. Okay. Des aventures dans son camping. Des jokes sur son gros nez. Les ados qui communiquent plus, mais qui communiquent avec des textos. Ah, vous êtes bien informé quand même. Absolument. Hein, ouais. Un numéro qui crée un malaise dans la salle, pour vrai, où il dit qu'il a toujours rêvé d'avoir une grande tribu, une grande famille. Il a toujours rêvé d'avoir la famille trappe à la maison. Mais il dit, dans la réalité, c'est pas tout à fait la même chose. Et là, il fait une espèce de petit numéro, une petite danse un peu grotesque où il réinterprète mes plaisirs quotidiens et ça devient quelque chose comme les enfants chient, les enfants pètent, les enfants morvent, Est-ce que c'est vrai qu'il fait un numéro comme ça, Louise Latraverse? Est-ce que vous l'avez vu, Louison? Oui. Louise Latraverse l'a vu. Je m'appelle pas Louison. Tu me dis Louison? Oui. Oui, mais là, tu vu ça. Ah, vous aimez pas ça? Non. C'était plein de tendresse. Mais est-ce que c'est vrai qu'il fait un numéro comme ça? Oui, il y a un numéro comme ça. Oui, mais ils l'ont dit dans les critiques. Mais c'est pas bien dur de savoir. Non, mais où alors il a pris le programme? La réaction du public, non, ça, je suis pas d'accord. Au contraire, ces numéros-là de chansons, Madame Latraverse, les gens réagissaient très bien. Oui, mais les gens ont réagi bien à la deuxième partie. À tout son spectacle. Oui. Je ne suis pas d'accord avec ça. En fait, moi, je pense que, Mme Latraverse, il se passe quelque chose, on le sent dans le public, quand il revient à la fin du spectacle, dans la deuxième partie, où il présente ce même numéro-là qu'il nous a présenté au Festival Juste pour rire. Et là, on se dit, OK, il se passe quelque chose là. C'est là que le public s'emballe. Et là, on se dit, mon Dieu, mais est-ce que le flash d'humoriste, c'était juste ce numéro-là? Mais est-ce que tout le reste est un peu anecdotique? Moi, je pense que. On va donner la parole à mais juste avant. Parce que je l'ai quand même vu, moi. Un petit commentaire de Louise Latraverse. Oui, mais c'était très, très drôle, toutes ces histoires de sa famille. Comment les enfants sont maintenant? Est-ce que tu as vu de quoi il parlait quand il parlait de ses enfants? Mais il disait, ma fille, je n'ai pas entendu sa voix depuis 2 ans. Elle me parle par texto. C'est pas super drôle. C'est pas tellement loin de ce que serait n'importe quel autre humoriste. Vous prenez un gars que Fred vous isolez. Mais oui, mais c'est Mme Latraverse qui me le demande. Oui, oui, je comprends. Mais Fred Savard, Fred Savard, c'est à vous, là. Moi, je pense que... je suis pas... C'est un bon humoriste. Avec la bouche. Non, mais parlant de bouche, le principal problème de ce spectacle-là, c'est qu'il parlait beaucoup trop vite. Mais ça, c'est la nervosité. Mais c'est lui, il est comme ça. Mais là, je pense qu'il y avait la côté nervosité. Oui. Sauf que Emmanuel Bilodeau est connu comme comédien, pas comme humoriste. Et je pense qu'on a fait le choix, à mesure que ça a avancé dans l'écriture, de le présenter. C'est un premier spectacle. Moi, je pense que son deuxième spectacle, il va avoir peut-être plus de moments engagés. Oui, il y a eu le fameux discours qui est à la fin. Il y a eu aussi à la fin de la première partie où il dit qu'il est porte-parole, puis qu'en même temps, il est content parce qu'il y a des causes qui lui tiennent à cœur. Il se demande quand il va être plus vieux, quand il va être une personne âgée, quelles seront les causes qu'il va porter. Et là, il y a un beau numéro sur le sort des personnes âgées. Ça finit la première partie. Et là, on a l'impression que la deuxième partie va aller dans ce côté-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anecdotes, mais je pense qu'on a fait le pari de le présenter, que ce soit une carte de visite, le premier spectacle. Donc, c'est vraiment, en fait, Emmanuel Bilodeau qu'on va vouloir voir, c'est le deuxième spectacle. Un peu ce que vous dites. En tout cas, moi, je m'attendais, parce que je le connais aussi, puis on le sait comment il est en entrevue. C'est quelqu'un d'engagé, c'est quelqu'un qui a des idées. Et moi, je m'attendais à ce spectacle-là qui soit un petit peu plus politique, engagé. Et c'est vrai que ça ne l'est pas autant que je pensais, mais... J'ai l'impression que pour un premier spectacle, on a joué un petit peu peut-être la carte de « on va y aller plus dans les talents de... » Parce que c'est un conteur aussi, d'une certaine façon. Oui, d'abord un conteur, mais il a quand même gardé son espèce de délire qu'on aime tant. Oui, tout à fait. Il se met à partir d'une petite chose, d'une petite phrase, puis là, il va partir dans... Mais ça, c'est formidable. Mais moi, c'est l'acteur, justement. C'est quand il se transforme en acteur qu'il devient intéressant, parce que là, il est touchant. Quand il parle de sa fille, le numéro de sa fille dans le parc, il y a quelque chose de très émouvant, mais là, c'est marqué, ça, hein, ce numéro-là? Non, c'est un autre numéro, le numéro dans le parc. Okay. Est-ce que tu as des enfants? Ben non. il déteste les enfants, Jean-Sébastien. Il faut savoir. Il déteste l'amour. S'il faut avoir des enfants pour être sensible à ce spectacle-là qu'il présente dans un CPE, tu sais. Non, c'est pas ça que je veux dire. Là, t'es cruel. T'es cruel. Oh, ouais. Mais c'est dégueulasse, Jean-Sébastien. Il faut savoir ça. C'est un chien, ça. C'est quoi? Et ça, c'est un des meilleurs descriptifs pour Jean-Sébastien. Ça fait que je te parle. Il faut comprendre qu'il vient du théâtre, mais le théâtre ne voulait pas de lui. C'est ça. C'est cette amertume qui le transporte. Un autre humoriste frustré. Non, ben ouais. Mais c'est l'inverse. Je pense justement qu'on a besoin d'Emmanuel Bilodeau au théâtre et qu'on a beaucoup plus besoin de lui au TNM à la Licorne que de faire un simulacre de tous les humoristes dont on n'a pas besoin. Ce n'est pas vrai. OK, alors faisons un petit tour de table rapidement. Olivier, qui pensez-vous a vu le spectacle d'Emmanuel Bilodeau? D'après moi, c'est Fred, parce que Jean-Sébastien a trop pas aimé ça. Ah ouais, hein, vous pensez que c'est ça. Hein? Moi, évidemment, je me prononce pas parce que je sais qui l'a vu. Madame Latraverse, qui pensez-vous a vu le spectacle? Faut prendre une décision. Oh, hein, God, I know! Quand je parle en anglais, c'est parce que je suis bien stressée. Mais détendez-vous, ma belle Louise. Non, mais là, je suis stressée. Mais c'est parce qu'il m'énerve trop. Il en met trop, lui. Jean-Sébastien Girard, il en met trop. Non, mais je vais aller avec Fred, parce que Fred a presque rien dit. Ça se peut pas. J'ai pas le temps. C'est la haine de Jean-Sébastien. Il est trop de mauvaise foi. Oui, moi, je vais avec Fred. Alors, Fred l'a vu. Olivier pense aussi que c'est Fred qui l'a vu. Manon Massé? Moi, je vais dire Jean-Sébastien. Vous pensez que Jean-Sébastien l'a vu? Pourquoi? À Québec solidaire. Vous êtes bien aimé, à Québec solidaire. Non, mais c'est parce que Jean-Sébastien peut être chien comme ça. Ouais. Une sorte de niveau, chien hein? Sale. Chien sale. Chien sale. Il peut beurrer épais. C'est un mode de vie. Moi, je pense que ça fait partie de son style. Fait qu'il l'a bien exprimé ce soir. Ah oui, hein? OK, ça, c'est intéressant. Alors, on a Manon Massé qui est pour Jean-Seb. Et puis, on a deux votes pour Fred Savard. Dany Saint-Pierre? Fred. Vous pensez que c'est Fred qui l'a vu, hein? Oui, il est bien séquencé. Ah ouais? Exprimé. Je sens que la chronologie est là. Ah oui, hein, vous pensez que c'est ça? Alors, on va aller voir avec les gens du public. Qui croit que c'est Jean-Sébastien Girard qui a vu le One Manu Show? Applaudissez, s'il vous plaît. Oh là là! Pas beaucoup! Qui croit que c'est Fred Savard qui a vu le One Man Show? OK, OK. Alors, la réponse, qui a vu le One Man Show? C'est moi qui l'ai vu! Fred Savard, mesdames et messieurs! Alors, Jean-Sébastien Girard... Alors, évidemment, je ne pense rien de ce que je dis. En fait, il a répété ce que j'ai dit dans le bureau. D'une part, et pour vrai, j'ai hâte de voir le spectacle d'Emmanuel Bilodeau. Et si j'avais eu autant de réserves dans la vraie vie, je l'aurais exprimé avec plus d'élégance que ça. Ah, bravo, Jean-Sébastien, bravo. Pouvez-vous croire que c'est déjà la fin de l'émission? Non, oui, je vous le jure, c'est la fin de l'émission. Oui, mais Madame Latraverse. Je vais quitter, là. Oui, mais vous allez revenir bientôt. Vous savez qu'il y a quelqu'un sur Twitter, une Joanne, qui dit Madame Latraverse, adoptez-moi. Non. J'ai pas le temps. Ben non, je sais, je sais. De toute façon. Jean-Philippe, peut-être sa blonde veut, mais. De toute façon, c'est ça. C'est moi qui est en tête de liste. Ouais. Merci, merci évidemment, Madame Latraverse, d'être venue nous voir. Vous allez revenir nous voir, hein. Mais bien sûr. Ah, j'espère. Quel plaisir qu'on a eu, hein. Juste un voyant. C'est le moment, évidemment, de la blague du jour. Jean-Philippe, c'est ce que nous annonce la sirène. On a une blague du jour, oui. Hein? Et cette blague du jour-là, elle est issue du livre de Gilles Latulippe, Drôle en Verra. Ah, ben là, vous écoutez comme il faut dans la salle et à la maison. Alors, on lui dédie. Alors, ces deux poules qui se rencontrent, Jean-Philippe. C'est déjà très drôle. Il y en a une qui dit à l'autre, « Comment tu vas, toi, toujours? » La poule a fait, « Bon, moi, je file pas tellement, c'est ici. J'ai l'impression que je trouve quelque chose. C'est niaiseux, mais on les aime comme ça. Merci Jean-Sébastien. Fred, vous avez une petite chose à dire rapidement? J'ai fait une petite erreur quand je vous ai présenté l'album de Salomé Leclerc. C'est pas Philippe B qui l'a réalisé, c'est Philippe Bro, et on me l'a dit sur les médias sociaux, et c'est important de le préciser. Vous en faites Philippe des Bro. Erreurs vous, dans une journée. Merci beaucoup, merci Manon Massé. On vous réécoute sur la chaîne de l'Assemblée nationale. C'est assez bon ça. Dany, on vous écoute du lundi au jeudi à 17h sur Radio-Canada, et on attend l'ouverture de votre prochain restaurant. Évidemment, demain, c'est les Journées de la culture. Et il y a des portes ouvertes à Radio-Canada. Oui. Si vous voulez aller voir vos vedettes préférées, mais pas nous, parce que nous, on est ici à 5 heures, hein, faut pas oublier ça. On peut pas aller à Radio-Canada avant. Allez-y, les portes sont ouvertes pour aller voir dans le palace dans lequel on travaille à chaque jour. C'est fabuleux. Et évidemment, ben, merci à toute l'équipe. Et on a demandé ici à nommer les gens parce qu'il paraît qu'on les nomme pas assez. Marie-Hélène Vautier, Marie-Ève Soutière, Guy Charbonneau qui est ici à la technique ce soir, Philippe Robert, j'ai Martine Hippolyte à la réalisation. Et nous, demain, on va se revoir avec Daniel Brière, avec le député Sylvain Gaudreau. Est-ce que vous l'aimez, Sylvain Gaudreau, Manon? Un homme très sympathique et surtout très vert. Oh, ben génial. Merci, on se revoit demain à 17h. Bye bye!